J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Putain, c'est pas cher, le Colts le plus malin. Ça va être dur. Courez, courez! Hey, Watson! Ne laissez pas filer le bandit! Oui! Bonjour! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast! Le 14e de cette nouvelle saison, 5e saison. Waouh! Comme des voitures, le truc. Ouais. Je vous l'ai toujours dit. Il le file. Presque comme Orange is the New Black. C'était il y a 5 ans. C'est incroyable. C'est beau, ouais. Le temps passe tellement vite. Ouais. Quelqu'un m'a dit, je crois que je l'ai dit dans le dernier podcast, tant pis, je le répète. Floodcast m'a accompagné pendant mon adolescence. Ce qui m'a fait très bizarre. Beau. Très, très bizarre. C'est à la fois. Attends, tu peux répéter ça? Quelqu'un m'a dit, Floodcast m'a apporté. Ah oui, d'accord, je crois que tu l'as dit à toi. Non, non, non. J'allais dire, mais tu avais quel âge? Non. On dit que l'adolescence. Est-ce que tu as dit à cette personne, c'est très bizarre? C'est très, très bizarre. Je fais, waouh, t'es chelou. Et je suis parti en courant. Et à la pleurer. L'adolescence, c'est 5 piges. On considère que c'est 5 piges l'adolescence. Bah, c'est ça va de 12 à 17, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, 12, tu dis toi, 19, 14, moi j'aurais dit aussi, ouais. Ah oui? C'est 19. Bah, on à la fin de l'adolescence, pardon, je faisais le calcul des 5 ans. Ah d'accord, oui, pardon. 5 ans, ouais. Non, c'est 19 ans. Après, la personne n'a pas forcément dit toute mon adolescence. Oui, c'est vrai. Donc, peut-être les deux premières années. C'est cette précision-là qui fait la qualité du Floodcast. Voilà. C'est un peu le côté, on est très sérieux, même sur les âges. Ça va être le thème de l'épisode. On va prendre vos citations et on va les décortiquer. Voilà. Et ça n'est un peu les décodeurs. Ça s'appelait Prum Doug. Petit tour de table pour présenter nos invités tout de même. Nous sommes tout d'abord avec Shirley Soignant. Ah oui. Ouais. Ça va quoi? Ça va très bien. Ah, Charlie, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent ouais, peut-être grave. Pas grave. Qu'est-ce que je dois dire sur moi? Chef de l'humour. T'es formidable. Ouais, ça c'est vrai. C'est la chef des blagues. Je suis la chef des blagues, c'est ouais. Vrai. Oui, c'est vrai. Ok, ça va. Je suis la chef des blagues, du coup. Mais à Paris. Et intramuros, surtout intramuros. Dans la rue Boulevard des Italiens, exactement. Ouais. Et non, mais voilà, écoute, humoriste depuis quoi, 10 ans maintenant. Waouh. Wow. Mais c'est la parler, c'est du pas de carte. Humoriste, hein. De père en fille. Puis c'est tout quoi, non, je sais pas. Quoi puis-je dire, entrepreneur. Je fais des travaux en ce moment, frère. J'ai la tête. Dans ma tête, j'ai une salopette sur mon corps et les mains pleines d'enduit, tu vois. Je suis vraiment un peu perdu. Laissez-moi un peu le temps de venir. Pour l'instant, je suis plutôt chef de chantier. D'accord, voilà. Très bien. Nous sommes également avec Dedo. Oui, bonjour. Ouais. Oh là là. Enchanté de nouveau. Il est beau. Dedo, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, je suis humoriste, comédien, auteur. Je sais pas. Ah, t'as vu, c'est bizarre. Hein. Ah ouais, bah après j'ai dit trois trucs. Trois trucs, c'est bien. Déjà. Trois trucs, ça va. C'est bien. C'est pas mal. C'est le max. Après, tu dis. Ouais, après des trucs, ça je dis pas. C'est plus un hobby. Ouais. Après, tu dis c'est un hobby. Sinon, c'est tu crois, c'est le max. Sinon, tu commences à lister tes allergies et tout. Les gens s'en foutent un peu, je pense. Peut-être deux allergies quand même. C'est bien, quoi. Ouais, je dirais gluten et arachide. T'as inventé. Ouais. Oh, d'accord. Ouais. Mais tu manges beaucoup de pain pour quelqu'un qui est allergique au ouais, gluten. Ouais, mais c'est du pain sans gluten. Okay. Et bam. Ouais. Bien vu. Oh, il a des parades. Ah, bah là, il m'a mouché. Tous les gluténophobes dans vos gueules. Ouais, il a tiré le tapis, je suis tombé sur les fesses. C'est de l'aïkido rhétorique pour moi. Voilà, c'est incroyable. Nous sommes également avec Yacine Bellous. Oh, ouais. Bonsoir. Oh là là, quelle joie. Non, eh bien plus. Écoutez, comment se présenter, c'est pas facile, mais je fais un petit peu comme les camarades des blagues sur scène, donc je fais des spectacles de stand-up depuis une dizaine d'années aussi, je suis aussi auteur et réalisateur, et voilà, j'ai fait un documentaire sur la comédie, je fais plein de choses qui tournent autour de l'humour. Voilà. Un blagueur. Un petit blagueur. Et quelqu'un qui a l'œil qui pétille. Moi j'ai l'œil qui pétille, tu vois, et je pense que toi et moi on va bien s'entendre. Ouais. Hein, on se connaît pas, mais... Alors là je peux te dire que... Un brigando. De la ronde foire. Exactement. Tout simplement. Non, mais je suis très content de participer au podcast parce que ça fait longtemps que. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, bah, il peut être sympa. Non, mais attends, c'est le 93. Hein. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est vrai que ça ressort. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a la jalousie. Il y a la rage. On appelle ça le seum. Le seum. Le seum est toujours un peu présent. Mais c'est très marrant de dire à quelqu'un qui dit un truc sincère et gentil, suce-le. Fais un tweet alors. C'est cette colère et cette haine est drôle. Donc, je l'accepte. Merci. 3 en force, merci. Nous sommes également avec Adrien Méniel. Oh, ouais. C'est c'est ta première là, non? C'est ta première. Ma première, ah, ouais, cool. Je suis invité. Non, tu es co-host. Waouh. Tout simplement. Co-host. Pas te dire mieux. Co-host. Voilà. Bah, il n'y a pas de mot français. Et est-ce que. Et alors, comment te tu es le Pierre Tchernia de cette émission. Oh, wow. De trouver un autre wow. C'est dommage que je m'appelle pas Laurent parce qu'on pourrait m'appeler Lolo Co-host. Oh. Wow. Ouais. Et c'est petit. Ça, ouais, vous l'entendrez pas. Regarde toujours Yacine, hein. Début, hein, pam. Ça, c'est en plus, c'est. Elle est pas piquée d'un ton. Moi, j'ai toujours peur qu'Yacine jette des trucs. Moi, les jeux de mots, j'ai des difficultés avec les jeux de mots. Et franchement, j'apprends à respecter. Vous inquiétez pas, j'en ferai pas. Sûrement, fais-en plein. Juste pour les gens qui savent peut-être pas, Yacine et Dedo aussi. D'ailleurs, vous êtes fan de jeux de mots, Charlie, par rapport aux jeux de mots. Vraiment, on est pareil. Ah, tu me régales. Ça trouve une belle famille. Pas sûr que les gars le fassent. D'accord, non, mais c'est une très belle émission. En commençant par un jeu de mots où il dit l'Holocauste, tu vois, il nous prépare déjà à accepter des jeux de mots. Bah, c'est moins violent. Pour moi, c'est un jeu de mots. Ça, c'est un jeu de mots pédiluve pour moi. C'est vraiment. Tout on met les pieds là, c'est un peu chaud, c'est tiède, et après, on y va. Quoi. Tout est calculé. Je suis le Shyamalan du jeu de mots. À la fin, je vais faire un jeu de mots. Vous allez dire, oh, c'était pas le plus jeu de mots. Ce jeu de mots était mort depuis le début, en fait. Incroyable. Adrien Méniel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Déjà, d'où ils ne connaissent pas, c'est... Bon, si c'est leur premier podcast. Oui, voilà, parce que, écoute, on a eu beaucoup d'écoutes cet été. C'est vrai que ça grimpe là. Ah là, je peux pas vous dire mieux, j'étais rongeant comme devant. Est-ce qu'on nique Ondelat? Alors, je crois qu'on ne nique pas Ondelat si facilement. Mais on nique pas mal de gens de France Inter, on nique pas mal de gens d'RTL. Laurent Gérard, Laurent Gérard. Ouais, on a niqué Laurent Gérard, ce qui est quand même. On peut en être fier. Ce qui est mon but depuis que je suis adolescent, de niquer. Ouais, donc je suis fier. T'as un peu niqué Gérard, on est encore, on va être honnête, très loin de niquer Cantelou. Cantelou, ouais. Non, mais au bout d'un moment aussi, il a installé. Oui, voilà. Est-ce que vous faites autant de perso? Je ne crois pas. Est-ce que vous avez la maestria de changer de voix aussi rapidement? Les jeux de mots, les voix, les blagues sur la gueule. Il y a tout, hein. Excusez-moi, mais respectez l'âge. Il a le décathlon total. Enfin, laissez-moi parler. C'est un début. C'est pas moi, j'ai rien dit, moi. Mais c'est vrai, c'était qui? C'était un perso. Ah non, on a dit des persos, pas des persos connus. C'est des inconnus, je les connais. Ah non, nous on même. Fait des persos pas connus. On n'a pas dit. Ok. Connus des personnes. Non, bah, je suis un blagueur aussi. Voilà. Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai besoin de le prouver après ça? Ouais, et je pense que t'as plus rien à prouver à personne, vraiment. Mais par contre, je suis faiseur de story Insta. Ah, ça c'est vrai. Il y en a énormément. C'est mon activité. Un storyisateur, ça s'appelle. Voilà. C'est vrai que c'est ton activité. Non rémunéré. Oh. Tu n'as jamais touché d'argent pour une story, rassure-moi. Jamais. Ok, très bien. les amis, pour commencer, pour nous mettre dans le bain petit à petit, on fait ce truc très RTL d'ailleurs, très Europe 1, très France Inter. Les grosses têtes. Les grosses têtes. On a tout pris aux grosses têtes. Je sais que toi, tu as pris à Drucker, nous, on a pris aux grosses têtes. Puisque je parcours un peu l'actualité et on fait un petit jeu. Voilà, il faut essayer de deviner des trucs. Vous allez voir, c'est. On se laisse emmener, on est. L'actualité depuis quand exactement? Parce que moi j'étais dans un chantier là. 8 ans à peu près. On est sur 8 années. Ouais, on prend très large. Il y a 8 ans s'il te plaît. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur Twitter qu'on a niqué un du coup. Bien sûr, bah tu l'as vu. Il te l'a niqué à toi, mais, oui. Mais il était très bien. Parce que en gros, là il va dire des nouvelles insolites qui sont arrivées et on doit essayer de deviner ce que c'est. Et il y a quelqu'un qui. C'est insolite, c'est un peu plus large. Mettez-vous d'accord les gars. C'est très mal organisé. En tout cas, ça pique ma curiosité. Là vraiment. Le président Macaron, voilà, ça Ouais, c'est bien. Moi, je fais des imitations. Ça, c'était une nouvelle ou c'était un personnage que tu créais? Cher compatriote. Ah oui, bien vu. C'est Macron. Excellent. Les gilets jaunes. C'est un meupette. C'est bien. C'est un meupette qui Macron, est c'est génial. Pourquoi non, vous ne dites rien? Mais moi j'étais trop bien. Surtout j'avais pas envie de couper le président de la République. Moi, personnellement, je le fais bien. J'étais dans la locution. Alors, quelle nouvelle tendance sexuelle a fait fureur cet été alors qu'elle est très dangereuse pour la santé? Ce n'est pas celle à laquelle tu penses, Adrien. Que tu as vu passer le sur sexe avec des flammes. Je dirais quand les gens baissent des flammes. Ils allument des flammes et qu'ils mettent leur sexe dans des flammes. Non. Tu veux nous parler d'un truc, Yacine ou... Je sais pas. Je pense. Moi, on m'a dit. T'as dit au hasard. J'ai peur du feu. Ouais. Et tendance sexuelle. Donc j'ai mélangé ce qui me faisait l'un des trucs qui me fait le plus peur et le sexe. Donc des flammes et du sexe. Ah bien vu. Très bien. Ce n'est pas ça. C'est pas flammes sexuelles. Bien joué. Ce n'est pas des flammes sexuelles, mais qu'on peut lancer à tout le monde. N'hésitez pas à faire ça chez vous. Bah non. Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que éventuellement c'est le sexe dans le vide sans parachute? Ah. Ce qui est très dangereux au final. Non. Parce que du coup tu décéderais très vite. Ou alors faut que ce soit pas haut. Ou pas très haut, ouais, c'est ça. Et après, faut remonter d'une marche et recommencer. Et c'est un sexe très rapide. Tu jouis dans très longtemps. Ouais, ça fait beaucoup de temps. Mais du sexe dans la nature, dans la jungle. Ouais, non. C'est chez soi. Ça peut se faire chez soi. Est-ce que c'est un rapport avec les maladies, la santé? Alors, en fait, le problème, c'est que cette nouvelle tendance crée des problèmes de santé, donc peut être dangereux pour toi, pour la santé. Ah. Mais c'est pas vraiment là, vous cherchez un espèce d'endroit insolite, c'est pas vraiment l'endroit qui est insolite. C'est la pratique en elle-même. C'est le produit. C'est la pratique en elle-même. C'est pas le partenaire, c'est non. pas. Non. Est-ce qu'ils prennent une sorte de drogue avant? Ils se mettent un petit spray quelque part? Attends, une nouvelle phrase. Dans la gorge. Je ne sais pas. Mais donc ça peut créer des problèmes de santé. Des vrais problèmes de santé. Le truc avec la ceinture là, le. Non. Ça qui a créé des problèmes de santé puisque ça a tué beaucoup de gens. Ça a tué des gens. Mais là, non, là en l'occurrence, potentiellement, ça n'a pas encore tué des gens. Mais et là, je vous le dis. On tire une frêle d'arme. Affole les médecins. Donc voilà, je peux pas vous dire mieux. Les médecins les détestent. Les gens qui font ça. Ah moi, j'ai une question. Est-ce que cette pratique s'est démocratisée via un réseau social? Est-ce que non. Quelqu'un a posé le truc et tout le monde a dit ah ouais j'ai envie alors, de faire. Tu sais quoi, oui et non, car c'est pas vraiment sur un réseau social mais c'est sur Reddit. Quelqu'un a parlé sur Reddit et tout le monde a commencé à vouloir le faire. Est-ce qu'il y a, moi j'ai une question, est-ce qu'il y a une substance ou un objet? Il y a de base, il y a un peu une substance. Il y a une substance. C'est un truc que tu alors prends. Alors peut-être pas que tu prends. Baume du tigre que tu te mets sur la bite. Tu peux créer toi. Pardon. Du baume du tigre que tu te mets sur la bite. Non, il y a pas de baume du tigre. Ah mais c'est de la merde. Il y a du baume, il y a un tigre, il y a du piment. Est-ce qu'il y a un tigre? Est-ce qu'il y a du piment? Alors, je vais faire dans l'ordre, il y a pas de piment, il y a pas de merde et il y a pas de tigre. C'est nul. C'est vraiment c'est pas très intéressante. J'ai plus d'idées déjà. Une avec ces trois choses. Comment ça a pu marcher? OK, mais attends, t'as dit une substance qu'on peut créer soi-même avec son corps? Ouais, avec son corps. Ah. Crachat? Non. Bah ça va. Pisse, la pisse. Alors c'est lié à la pisse. Ah là là. Ils êtes presse. Ils êtes presse. Ils boivent de la pisse. Non. Non, mais on en plus met dans sympa. Les. Est-ce qu'on en ah plus dans sympa. Les canaux lacrymaux des gens? Quoi? Pisser à l'intérieur des gens? Non. Une comment ça s'appelle? Comme, je sais comme, pas. Comme une sorte de canevas. Ça m'a. Ouais. Vous vulgarisez. Vous vulgarisez. Ah j'avais pas entendu calebasse depuis longtemps, ça m'avait manqué. Il y a calebasse dedans, il y a une calebasse. Non, non, il y a pas de calebasse. Non, je vous le dis. Attends, on y est là. Pardon, mais j'ai pas loin. Est-ce que si c'est lié, c'est lié pas à la forcément pisse. Dégueu, sachez-le. Ah, d'accord, ils boivent pas alors. Non, il y a pas de. Pas de glou-glou. C'est pas sûr. Forcément dégueu, mais il y a de l'urine. Voilà, c'est ça. Justement. Est-ce que c'est ça a tué des gens? Se retenir de pisser en. Très très très bon point, Adrien Méniel. Se retenir de pisser pendant que tu baises. Alors en gros. Cystite, non, non, pas cystite, mais ça crée non, ça peut, que... ça peut tuer tes reins en fait. Ouais, ouais, voilà, bah ça, bah ouais. Parce que ça, mais de se retenir de pisser en règle générale. Bah oui, oui, attends, oui, oui. Donc c'est un utilisateur du site qui a expliqué que lorsque sa petite amie se retenait d'uriner, elle avait un orgasme au moment d'aller aux toilettes. S'en sont suivis plusieurs témoignages de femmes qui se reconnaissent dans cette pratique. Alors apparemment, c'est très féminin. D'autres ont même dit vouloir tester cette nouvelle tendance sexuelle. Le clitoris serait en fait stimulé lorsque le col de la vessie s'ouvrirait pour laisser passer le grand flux d'urine. La sensation d'orgasme proviendrait donc de la proximité du clitoris et du vagin de l'urètre. C'est bien voilà, parce attends, que t'as un méga orgasme et derrière, boum, une dialyse. C'est vraiment un bon enchaînement des deux. Pas tout avoir. Orgasme, chasse d'eau. C'est bien. Ça déculpabilise les mecs qui n'arrivent pas à faire jouir leur meuf parce qu'ils se disent bah, c'est bon, elle va jouir quand elle va pisser après. Retiens-toi, deux heures. Tu vas jouer en toilette en fait. Ouais. C'est dans ton super coin. Triste. Fait, c'est mais bon, tu peux filmer, tu peux filmer la vidéo et la montrer à ton mec. Merci bébé. Merci à toi. Il n'y a plus de PQ. Non, mais c'est bien si t'as un voyage en train, tu vois. Tu fais ça juste avant, après pendant le, tu vas pisser pendant ton voyage en train. Je suis choqué. T'as un petit orgasme. C'est la chanson de Grand Corps Malade. C'est ça. Le voyage en train. Tu vas avoir une carte pour amortir quand même tout ça. Une carte Kiwi. Non mais ça t'occupe pendant le voyage quoi. Tu vois, c'est ça que je me dis. En fait c'est marrant parce que ça, tu te mets un orgasme de côté pour plus tard quoi. Ouais, c'est un orgasme à emporter. Après j'ai encore une fois faites attention à vos reins. Hein. C'est ce que dit quand même les médecins. Voilà, c'est l'orgasme principal. Merci. Non pardon, pardon. Bien mourir de quelque chose. Un détenu a tenté de s'évader au Brésil d'une certaine façon un petit peu fantasque. Ah je sais, ah, moi je vais pas dire. Alors, est-ce qu'il s'est retenu de pisser pendant 3 heures? Je vais laisser Dédo et Charles. Vous savez vous deux, il a pissé, il a gonflé. Ah, moi, je pensais qu'il avait rempli la pièce avec de l'urine. Ah oui, il y a ça, c'est très bien. Les deux, vous savez? Non, moi, je sais pas. Adrien et moi, on sait. Ouais, d'accord. Du coup, on va parce qu'ils ont fait, des moments. Ils ont fait de la tôle. Ouais. Un... Ouais. Ils ont fait donc deux ans. J'aime bien vous partager des faits divers brésiliens en général. Hein. Comme ça, c'est leur grand truc. Oui, c'est ça, c'est une sorte de petite lubie. Qu'est-ce que. Alors, il s'évadait en faisant un truc. Alors, est-ce qu'il avait des complices? Il avait un complice en particulier. Est-ce que ce complice était un. Non, pas un gardien. Un mammifère. Un mammifère, effectivement. Oui. Un tigre? Non. J'espère qu'il y aura un fait divers avec un tigre. On en a d'autres. Je vais faire un petit Google un avec un tigre. Il y avait un animal dans l'histoire? Pas de rat, non. Un pas d'animal. Pas d'animal. Non. Ah, mais un. Pas d'animal, mais un mammifère. Donc un autre être humain. Potentiellement un être humain, oui, okay, exactement. Très bien. Ah, oui, ah bah moi je suis très sur les faits, hein, c'est-à-dire que. Et il a. Est-ce qu'il a faim un malaise? Non. Un accouchement? Non, non. Elle dit ah, je crois que c'est qu'est-ce perd les os. Non, il s'est fait passer pour quelqu'un. Ah, est-ce mais qu'il s'est fait passer dans, la prison? Dans la prison. Pour Bolsonaro, pour le président brésilien, il avait mis une fausse moustache. Tout le monde a dit mais c'est le président, laissez-le sortir. Il a fait croire que c'était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait en cellule? Sortez-le tout de suite. L'avocat enfermé dans la cellule. Non, pas du tout. Mais peut-être Yacine et Adrien, vous pouvez le dire. Des indices, des indices. Effectivement, donc c'était, il s'est fait passer pour quelqu'un, mais il faut essayer de comprendre comme il a son corps comme matériel de base vers quelle personne il pourrait aller. Tu vois, parce que tu peux pas ressembler à n'importe qui. On n'est pas. Après, il avait pas d'équipement incroyable. Genre de FX. Il n'avait pas un costume. Mais alors attends, on lui a pas ramené une tenue. On lui a pas ramené un masque, tu sais, comme dans les films américains. Comme dans, genre, il s'est pas fait passer pour Predator. Moi j'ai besoin de dire. On parle de la même chose, Yacine. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Moi il s'est fait passer pour quelqu'un, mais il n'avait pas énormément de. Il n'avait pas grand chose. Alors moi Jésus. Il avait du matos. Pour Jésus. Non, pas Jésus. J'ai besoin d'une précision. Je suis revenu un délire comme ça. J'ai besoin d'une précision par rapport à ça. Je suis revenu, qu'est-ce que je fais dans cette prison? Je suis Jésus, merde. Est-ce que cette. Par rapport à ce que dit Yacine, est-ce que cette personne est un barbapapa? Non. Non, pas du tout. Parce que s'il avait plus d'accessoires, oui, non, c'est important de le préciser. Non, est-ce qu'on, tu vois, pour Mission Casper. Impossible, Mission Impossible, ouais. Genre le mec, c'est Obama, il enlève son masque, oui, et d'accord. C'est Bourville. Okay. Et ben c'est pas ça. D'accord. Mais c'est dans lequel celui-là, je l'ai attends, pas ouais, vu. Attends, il s'est déformé physiquement, genre. Ah ouais, non, non, il s'est pas déformé physiquement, mais vraiment son apparence à la fin, elle est différente. Après, mais cherchez le truc le plus simple. C'est très simple, et l'apparence est différente, mais c'est simple. Blackface. C'était juste. Non, non. Bah au contraire. Il s'est fait avoir parce qu'il s'est fait call out sur Twitter tout de suite. Quoi. Il a fait bah, attendez, je suis pas encore sorti de prison, putain. Oh, m'avait niqué. J'étais à deux doigts de la sortie. Non, mais le truc le plus basique, c'est juste que c'était mal fait, quoi. Il a fait une grimace. Il a une grimace qui ressemblait beaucoup à un gardien. Vraiment, ouais. Cette grimace. Bah, dis donc, on dirait vraiment Billy. C'est un. Bah, bah sors alors. Oh, bah oui, j'ai un petit bec de lèvres. Je pense que quand on va vous dire, vous allez faire un très long. Un truc, mais c'est simple, qui implique du matos et tout, c'est juste. Il y a du matériel, mais c'était pour quand vous dire que dit, voilà, tu te fais pas, tu changes pas du tout. Non, mais on quand peut il le a dire. Dit, c'est pas Mission Impossible, c'est juste, c'est mal fait. Il quoi. Avait un masque, mais nul. Oui, c'est mais non, c'est alors presque. C'était pas Mission Impossible, mais c'est Mission un peu dure. Voilà, c'était mission, un peu c'est dur. Mission compliquée. Mission complexe. Voilà, Mission compliquée, c'est parfait. Mission complexe. Bon, faut le dire, c'est trop. Ouais, faut le dire, non, genre, je pense. C'est un masque de Neymar. Un masque de Neymar. Yacine, en fait, il s'est fait passer pour sa fille. Il s'est fait passer pour sa fille. Mais quoi? Et bah, il a pris une perruque. Dans une prison du make-up. Et il s'est fait passer pour. Il avait un masque. Il avait un masque de silicone. Avait un masque. Mais attends, oui, pourquoi mais sa fille et lui se ressemblent un peu non, quand même de mais base. Oui, mais je capte pas. Il était en cellule. Oui, il était en cellule. Mais pourquoi du coup, il a sa fille. Les gens, ils ont pas dit, mais qu'est-ce que c'est cette meuf dans sa cellule? Mais visite. Elle est venue lui rendre visite. Je vais faire un truc pas très radiophonique, mais que vous voyez à quel point c'est quand même pas ultra. C'est pas très efficace. Mais surtout, par contre, tu c'est peux fou. Là, on voit l'image. Et voilà. On dirait vraiment un mauvais téléchargement de FaceApp. On dirait vraiment un très très mauvais FaceApp. C'est quelqu'un, ouais. C'est quelqu'un qui a tenté une carrière dans la chanson qui a duré 2 heures mais sur cette photo. Ou une sex doll de pédophile. Ouais, mais mal. Ou un cosplay de Dora. Non mais oui, en fait il fallait qu'il parle, mais je pense qu'il a justement évité de dire bonjour, je suis ma fille. Je suis ma fille. Oh, vous avez dit un truc bizarre. Et en tant que ma fille, j'aimerais rentrer dans la maison de ma fille parce que je n'ai rien à faire en prison étant donné que je ne suis pas mon père. Pas moi. Il a pas fait ça, mais bon, bah il s'est fait tricard très vite. Il voilà, y a une vidéo du mec de l'évasion. Non, il l'oblige à enlever tout ce qu'il a sur lui. Il a écrit une vidéo. Est-ce que sur la vidéo il fait mais j'ai rien sur mais moi. C'est pas moi. C'est mes cheveux. Mais je vais faire de la corde à sauter. Non, mais t'as les mecs qui lui disent bah allez, enlevez votre veste et tout. Donc il enlève sa veste. J'ai pas de veste. Et plus il enlève les trucs, plus il fait oui, non, c'est clairement pas une adolescente. Quoi. Et à un moment, ils disent bon, allez, enlève ton masque. Et il enlève son masque et tu vois sa gueule. Et il est habillé en adolescente. Il lui dit bon, enlève ton permis de conduire. C'est ridicule. C'est marrant. Bon, c'était une belle tentée. Tentative. C'est une pas belle mal. Tentative. Une très belle tentative. Moi, ce qui me fait rire, c'est j'imagine qu'il a dû dire à sa fille bon, tu me ramènes un masque pour que je me fasse passer pour toi. Qui ressemble à toi, ouais. Et elle lui a ramené un truc de farce et attrape. Et putain, bon bah je tente, mais. c'est ridicule. Je vais me faire choper, c'est sûr. Une tête de Trump. Une tête de Trump en plastique. Mou. Bon bah je vais me faire passer pour Trump. j'ai rendu visite. Putain, en tout cas une histoire. C'était Macron. Il a fait la mauvaise voix, c'est comme ça que c'est fait. Ah bah bien sûr, tous les présidents ils en ont. C'est une histoire qui se finit de façon très mignonne puisque il s'est pendu vu que ça n'a pas fonctionné. Il s'est pendu. Il s'est pendu. Ah je savais pas la fin. C'est une belle fin. Bah moi je trouve que c'est une belle sortie. C'est au moins assumé. Bah, j'ai perdu, je paye. J'ai tout testé. J'ai perdu, je paye. Oh, j'arrête. Mais t'imagines sa fille si elle l'a aidé et tout. Bah, il s'est pendu. Non, mais... En fait, ce qui est triste, c'est qu'il s'est pendu avec sa fille. C'est sa fille qui vraiment. Il était cheveux, sa fille, c'est horrible. Sa fille, c'est elle qui le tenait par le bras. Yacine va pleurer, donc arrêtez. Franchement, c'est trop triste. Sa fille, je pense que sa fille, elle a dit Dora est morte. Franchement. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur cosplay de Dora. Je comprends que ça soit dur à entendre, mais c'est mi-triste, mi-marrant. Pour de vrai, en vrai, cette sortie, elle est mi-triste, mi-marrant. Il a vendu beaucoup de drogue aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était pas très gentil de sa part, parce qu'il était en prison pour 75 ans. Ah, mais c'est pour ça qu'il s'est suivi pendu. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et par contre, dernier truc. La honte aussi, peut-être. Hein, ouais. Parce que il tout le monde s'est fait afficher sur Internet. Ouais, ouais. Il sait qu'on allait se foutre de sa gueule dans un podcast. Il a fait non, c'est trop dur. Il a dit bon, je vais sur Twitter. Il avait 150 mentions. Ah, la honte, le match. Il a fait terminé. Mais je pense que ça, je pense qu'il a laissé sa fille avec un vrai sentiment de ah peut-être j'ai déçu mon père sur ce coup-là, peut-être que là j'ai pas été en au tout top. Cas Halloween ça va pas être son nouveau délire hein, sa fille, c'est sûr. Mais non, on le fait pas cette année. Non, on le fait pas, on le fait pas. Pas terrible. Alors on reste dans les très beaux challenges puisqu'il y a un challenge qui a fait fureur en Espagne tout l'été aux grandes dames des autorités espagnoles. À votre avis lequel? Faire un saut sur place. Alors non, que vraiment, c'est celui que tu connais, c'est Adrien. Ah donc bah, je dis rien. Tu ne dis rien. Pensez ça fait deux. Elle doit être chiante cette émission pour toi, non? Le bikini challenge. D'habitude, je connais pas. Le bikini tout le temps challenge. Ah, moi je sais aussi. Naked challenge. Je vais le dire. Challenge. Alors, on peut donner des indices, moi je sais. On peut donner des indices. Ah, tu sais, toi aussi? Ouais, je sais. Moi, je sais. C'est fou, vous savez tout. Moi, je sais. Bah, des geeks ou quoi? Bah, en tout cas, chambre d'hôtel, là, dans les jamais. Non. Ah, t'as dit un élément de la réponse. Non. Hôtel. Chambre. Non. Piscine. Hôtel. Piscine. Ah, t'es bien. Ok. Alors, t'as dit tous les autres mots avant. C'est le bombe dans les piscines challenge. Alors, bombe dans les piscines challenge. Je crois qu'on n'est pas loin. Un deuxième mot. Non, c'est vraiment un truc de merde. Ouais. Piscine de merde. Oh mon dieu! Caca dans les piscines challenge. Oui. Non. Non, mais on n'est pas loin. Caca dans les piscines challenge. Ouais. C'est pas aussi bien dit. Il est déçu d'avoir trouvé. Tu vas pas. Je suis déçu parce que franchement, ça existe aussi depuis longtemps. Non, mais là, c'est tout le monde. Parce que là, je l'avais déjà. Là, les bombes, ça existe. Là, le caca à plein de gens. Enfin, je sais pas. Non, mais là, c'est un challenge. C'était pas un challenge parce que tout le monde. Là, c'est un challenge dans la tête du gars. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, les mecs font des photos. Tu vois? Bah justement, alors, c'est ils font exprès là, les gens. Là, vraiment, ils le font. Ouais, et film avec le caca dans l'eau. Ça s'est fait d'abord à Ségorbe, près de Valence, une petite commune espagnole, qui a dû fermer ses portes à deux reprises en deux semaines. Quoi? C'est relou. Attends. Qu'est-ce qui a fermé ses portes? La piscine de Ségorbe. Ah, la ville. Non, c'est l'Espagne. Loin, quoi. L'Espagne a fermé deux fois en deux semaines, et pour le tourisme, ça a mis des coups. Hein, je vous le dis tout de suite. En effet, les adolescents s'amusaient à faire caca dans l'eau. J'aime bien ce qu'ils ont mis des guillemets autour oui, de faire bah caca. Oui. Alors que c'est faire publiques. Caca vraiment, il n'y a pas d'autre. Alors après, vraiment, effectivement, c'est un caca. Petit challenge. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je fais pas caca sur commande et c'est vraiment, ça ruine ma vie. Est-ce que vous arrivez à chier dès que vous voulez? Mais non, mais il faisait comme ouais, franchement, respecté, non, mais je pense qu'il calculait le truc. C'est le même gars. Comment tu calcules ça? Mais c'est le tu vas pas chier et tu vas à la piscine. C'est la même. Au moment où c'est la même meuf qui se retenait cassée pour l'orgasme, qui se retenait aussi pour le caca. Hein? Café Club. Café Club, exact. Café Club, ok, là, je te rejoins. Ouais, bien sûr. Ouais, le matin. J'aurais quoi. Gagné le challenge, mon gars. Les trois. J'ai arrêté. Rendez-vous à 9h tous les matins à la piscine. Mais... Okay. Mais... Moi, j'aime bien ce qu'il y a des petites précisions. C'est alors, les adolescents s'amusent à faire caca dans l'eau des piscines publiques. De préférence en présence d'autres nageurs. Oh, voilà, oui. Ça, c'est la petite. Ah, voilà. Mais on est d'accord que la personne qui a lancé ce challenge, elle s'est juste chiée dessus dans la piscine. Elle a fait. Non, mais c'est un challenge! C'est internet! C'est tendance! C'était pour lancer quelque chose! T'es charmé, mec! Ouais, ouais, non, je me chie pas dessus sans faire exprès! Et donc ça n'existe pas du tout l'histoire de quand on fait pipi dans la piscine. C'est rouge, ça change. Non, pas que ça, c'est une légende urbaine. C'est faux, c'est faux, ça. Légende urbaine. Moi j'ai cru. Ça a marché. Ça et les chevaux. On n'a pas pissé. Il paraît que les chevaux non plus, ça n'existe pas. Ouais. Il paraît que c'est une légende urbaine. Moi j'ai entendu les chevaux, c'est des ânes rapides. C'est des conneries, voilà. Ouais, exactement. C'est des ânes un peu grands. Ouais. Et ben j'ai. Alors moi ça m'a eu à 100%. Les chevaux. Les chevaux, ouais, mais aussi. Les ânes grands, quoi. Ouais, moi j'étais perdu. Les ânes grands. Mais tu sais pourquoi ils m'ont eu? J'étais focalisé sur leurs énormes crottes. Ouais. Ça veut rien dire. Donc du coup je regardais ça. J'étais comme mesmérisé. Non, et... c'est fou. Ouais. Moi, ce que j'aime toujours dans ces trucs, dans ces articles comme faire caca dans la piscine, ce nouveau défi chez les adolescents espagnols, c'est qu'il y a toujours des petits commentaires Facebook. Allez. De gens qui aiment bien réagir à et tout qui ça. Disent certainement, il y a c'est que pas ça normal. Qui dit. Santine qui nous dit, et comme ça nous manquait en France, vous vous empressez de publier. Comme ça, vous donnez des idées à ceux qui en manquent. Vous auriez pu la boucler sur ce coup-là. Et il y a quelqu'un qui est faux. Elle est énervée, Santine. Et il y a Toutim qui répond non à la censure, quelle qu'elle soit, par principe. J'ai horreur que l'on veuille faire le bonheur des gens malgré eux. Chacun est responsable en toute connaissance. Pourquoi pas cacher les attentats pour que ça ne donne pas des idées? Et je suis assez d'accord. Ouais, là, là. C'est pareil. Moi, j'ai pas compris qu'on veuille faire le bonheur des gens malgré eux. Parce que c'est pas clair comme peut-être phrase. Peut-être que ça voulait pas dire quoi que ce soit. D'accord. Parce que moi, j'ai il a trouvé que ça sonnait. En moi, tout cas. J'ai lâché le pseudo. Ça s'appelle Toutim. Toutim et Santi. Ouais, non, mais c'est le même gars, je pense. Il se répond tout seul. Qui se répond, ouais, il doit se donner un peu d'importance comme ça. Une forme de schizophrénie digitale. Il a deux. Et en France, alors sachez que ça a touché un tout petit peu la France, mais pas beaucoup. Ça prend pas en France. La frontière. Mais pas vraiment. Dans les pédiluves uniquement. Non, les gens. Non, ils font dans les chiottes. Les gens chient dans les chiottes et ils c'est pas le la chasse qui s'est passé. Ouais. Pas ouf. Ils non, nagent dans leurs chiottes aussi. Donc Non, c'est 4 adolescents qui sont entrés par effraction dans une piscine privée et ils ont chié dedans également. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ils ont été surpris par le propriétaire. Ce qui doit être toujours être surprenant pendant que tu chies dans une piscine, avoir le proprio de la piscine qui te chope. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah rien. Enfin. Et les 4 adolescents se sont pendus. Habillés en petite fille. C'est la thématique de l'émission, c'est potence, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas compris encore. C'est une potence challenge. Quelle succession d'événements naturels ont eu lieu dans le monde à quelques jours d'écart? L'extinction des dinosaures. Les éruptions volcaniques. Non. Ah bah t'as dit quoi? Éruption volcanique. Écoute, pas bien joué. J'ai au pif ça, totalement au pif. Écoute, le piton de la fournaise, un volcan au Japon et l'Etna sont rentrés en éruption à quelques heures d'écart. Et bah, je suis passionné par ça. Moi, je regarde énormément de documentaires. Tu rigoles? C'est absolument totalement faux. J'invente totalement parce que c'est. Mais tu sais que j'ai escaladé l'Etna il y a pas plus d'une semaine. Félicitations. Donc quelle je pense. Sensation? Écoute, fatigant, pas ouf, mais quand même cette fierté. Il y a une atmosphère spéciale parce que c'est un volcan, il y a de la roche spéciale. Ouais, c'est chaud déjà, il fait chaud normalement. C'est très chaud. En fait, c'était un truc, c'est un truc. C'est mou. Non, c'est très dur. Je plaisante, non, c'était. C'est tiède. Je crois que c'est tiède. La lave, il paraît que c'est tiède en fait. Non. J'ai entendu ça. C'est une légende urbaine que c'est chaud. Ah d'accord. Non, que c'est chaud, c'est une légende urbaine. C'est tiède, on est d'accord. Voilà. Tu laisses ton doigt et au bout d'un moment tu fais wall. Ouais, bah comme quand tu mets ton doigt dans une flamme, si tu le laisses longtemps, mais si tu passes au travers. Ouais, ça va. Si tu te jettes dans de la lave mais que tu ressors tout de suite, non, ça va rien du tout. Avec des bonnes pompes, c'est bon. Ouais. Mais tu rigoles, mais enfin tu rigoles. Non, pas tant, mais dis-toi que c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que tes pompes fondent en fait à une certaine altitude. Si je te jure, on pouvait pas rester très longtemps. Tes pompes ont fondu. Mes pompes ont fondu. Mais la semelle, c'était pas mes pompes. Ça a la semelle. Toute la semelle. Jusqu'au genou. C'est te dire à quel point. Est-ce que ça a fait comme dans la tour Montparnasse infernale? Ça a fait ça. Ça Putain, a fait des pizzas quatre pizza chaussures. Exactement. Oh, mais ça vient peut-être de là. Ça vient peut-être de là. Mais en tout cas, non, c'était vachement bien et je vous le conseille. Franchement, moi, j'étais pas chaud du tout. C'est ma meuf qui aime bien faire des activités quand on est en vacances. et oui, on a escaladé l'Etna et au début, moi, j'étais pas chaud du tout parce que tu te lèves à 6 heures du matin. C'est non. C'est non pour combien d'heures? Combien d'heures pour arriver là? Pour bousiller tes chaussures, c'est cool. Non, en fait, tu prends d'abord un télésiège qui monte à une certaine hauteur et ensuite tu finis à pied. Mais nous, on n'a pas pu parce que, comme je te viens de te le dire, il y a eu une éruption volcanique. C'est incroyable. Donc, en fait, quand il y a une éruption volcanique, tu n'as pas le droit d'aller au sommet d'un volcan. Ce qui est bien vu de la part des organisateurs. Ouais. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est que est-ce que ces éruptions volcaniques elles sont pas liées. Désignent la fin du monde, genre en mode oui. C'est maintenant, bien c'est sûr. Bientôt. Bah, je crois que oui, malheureusement. C'est à 5. Quand il y en a 5 en même temps, oui, à 3, non, ça va. Non, non, écoute, apparemment, c'est pas lié du tout. C'est pas lié du tout, mais effectivement. Pour moi, si. Bah, pour Adrien, si. Après, quand les océans deviennent du sang, je crois que là, c'est parti le coup tu de rigoles, feu. Mais il y a déjà de la merde dans les piscines. Il y a de la merde dans les piscines et il n'y a plus des sauterelles à Las Vegas. Je sais pas merde, si vous avez ce truc-là. Il y a eu une pluie de sauterelles à Las Vegas. Non. Si. Bah, ça c'est et bien. Jésus est revenu 2 jours. Mais non, ouais, je vous jure, c'est 2 jours. Mais il est à Vegas, il a chié dans l'eau. Il a chié dans l'eau. Il a fait super ce challenge. Dans l'eau bénite. Un bénitier, il a chié dedans. Il a fait, bah c'est un challenge. Mais vu qu'il marche sur l'eau, la merde est restée comme ça. Ouais. Et il s'est pendu, mais il a ressuscité. Donc c'est pas très grave au final. Vraiment, c'est sa force. Il a juste dit, les gars, j'ai posé le game à la base, donc je vous le remontre. Voilà, c'est mais juste pour, ce truc, juste pour ce truc d'Etna, je voulais juste. En fait, le truc est super intéressant. En fait, nous, on a fait un truc où t'es avec 5-6 personnes. Donc en plus, tu prends le temps et tout. Tu crèves vraiment de chaud. Mais t'es pas sur un truc où il y a 40 personnes avec toi. Mais en fait, j'en ai rencontré un gars qui s'appelle Rodrigo. Parce que j'étais en Sicile. Faux blaze, ouais, Rodrigo. Faux nom. Si, en Sicile, ils s'appellent tous Rodrigo. Écoute, je peux pas te dire mieux. Faux blaze. Et... C'est espagnol, Rodrigo. Ouais, bah ouais, déjà. Oh, attendez, la Sicile, c'est. Waouh. Vous venez de redéfinir toutes mes vacances. En fait, j'étais à Barcelone. Merde. Et en fait, il était vraiment passionné de volcans. Et vraiment, Je pense qu'il était un peu amoureux des volcans et c'était ultra gênant. Ah bah il faisait le truc que disait Yacine, il mettait sa bite dans des flammes. Ouais, il faisait la mouvoyer. Ça vient bien ton histoire, d'accord. Il y a une coulée de lave qui date de 2003, c'est magnifique. Et en fait c'est pas beau une coulée, enfin, on s'en fout d'une coulée de lave, c'est vraiment juste. Ah bah dis pas ça à Rodrigo. Bah non, Rodrigo il aurait été tellement énervé. Bah s'il écoute. Il écoutera pas, je pense. Il est très occupé, il escalade des volcans le gars. Donc quel exploit jusqu'alors impossible a eu lieu du côté des côtes du Havre? Moi je sais aussi. La vie, ouais. Moi je dis attirer la vie. Des gens, mais c'est connu. Attirer des touristes. Moi je sais, mais j'ai envie de laisser les autres chercher. Mais non, comment tu sais, tu peux le dire. Le mec qui vole là. C'est le mec en flyboard, c'est Zapata. Il a traversé la Manche. Francky Zapata, il s'appelle. Ah ouais, mais il a pas dit la Manche. Il a, c'était un piège. T'as pas dit la Manche. J'ai pas dit la Manche. Du côté du Havre. On est d'accord, il s'appelle Francky Zapata. Je savais pas qu'il s'appelait Francky. Bah si, je crois. Mais c'est Zapata. Ah, c'est. Bah attends, je vais vérifier. Mais je crois qu'il s'appelle Francky Zapata. Francky Zapata, ça fait vraiment dictateur péruvien. Non, mais ça fait cirque, surtout. Le cirque Zapata. Mais ça a lien d'ailleurs ou pas du tout? Bah, je pense, oui, c'est moi, je sais pas. Oui, est-ce que c'est un tigre? C'est ma question. Ah, mais moi j'ai envie de savoir, surtout c'est pas Rodrigo Zapata? Non. Non, mais moi je trouve ça tellement stylé, le mec vole. Alors toi, tu trouves ça stylé? Oh bah va dire ça aux oiseaux. Dédo, drop de bière. T'es pas obligé de mettre les oiseaux dans toutes tes argumentations, d'accord? Ok, j'arrête alors. Non, toi tu trouves ça stylé? Ouais, je trouve ça vraiment stylé. Parce qu'il a fait un overboard. Oui, mais quand il est arrivé, vous savez, il a fait devant le président Macron. Ah oui, avec, une mitraillette. Avec une mitraillette. Est-ce qu'on peut entendre justement le président Macron raconter cette actu? Il vole, lui. Comment il fait pour voler comme ça? Oh là là, je suis à l'Elysée, putain, c'est fou. Non, mais là, il est monté dans les aigus, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il était ému. Oui, ah, mais d'accord, pardon. Parce qu'il y a l'imitation, mais il y a l'interprétation dans l'imitation. C'est là où il est très bon. C'est là où il est comédien. Moi, j'ai halluciné. J'ai dit, mais je comprenais vraiment pas. Je croyais que c'était au début, je croyais que c'était un peu une blague en fait. Je comprenais pas le mec. Un montage. Et en fait, je vis une époque où t'as un gars avec un gun sur une sorte de plateforme volante, comme le bouffon vert. T'as pas vu? J'ai fait des travaux. Moi. Ah pardon, excuse-moi. Dans Robocop 2, il y a ça, mais sans le hoverboard. C'est vrai qu'il. Non, mais c'est le bouffon vert. Pour moi, c'est le bouffon vert. En gros, il est méchant. C'est vrai. Il a raison. Il avait un vrai gun. Non, c'est pas un méchant. En gros, non. Il avait une arme. Ça faisait méchant. Pour arriver. C'était pour le 14 juillet. Le 14 juillet, il y a des défilés militaires et des fois, ils montrent la nouvelle technologie qui est en train d'être faite. Ça fait partie genre des nouvelles technologies que la France essaye. Ah donc c'est un militaire ça? Et t'as un... Non, récupéré par l'armée. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est un gars qui fait du snowboard. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est stressant. Tu te dis bon là c'est le défilé du 14 juillet. Ils ont filé un gun à un gars. On sait pas si c'est un vrai info. Le gars il s'arrête devant le président en mode il bouge pas. Il est en l'air. Il est en mode statique. Donc il bouge un tout petit peu dans le ciel. Il y a un silence de mort. Macron le regarde droit dans les yeux. Et après le mec il a un gros casque de moto et un flingue et il bouge. Et il est habillé en noir. C'est terrifiant. Moi, je trouve vraiment, je trouve ça terrifiant. C'est moi j'aime surtout... imaginer qu'il lui avait pas donné de flingue et qu'ils ont fait. Mais putain, il a un flingue. Et le mec s'est dit bah ouais, j'ai pris, c'est plus marrant. Et personne ne bouge, c'est pour ça. Surtout, ouais, c'est pour ça, personne bougeait parce que génial. Tout le monde disait bah il va canner Macron là. Là, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais après. Bah, en fait, avec des dons, on rigolait hier parce qu'on en a parlé. Et c'est ouf. Le truc est en marche. Plus qu'un overboard. Oui, parce qu'ils volent très haut. Ça vole. Ça a des pointes à presque 100 km/h, je crois. 180 en fait. Il a. Non, pas 180. 2000. Le truc qui est vraiment marrant, je trouve, c'est que le gars est champion de snowboard. Donc en fait, il est ultra fort avec son appareil. Mais tu le donnes à n'importe qui d'autre, la personne meurt immédiatement. Tu vois, en fait, en gros, il n'y a que lui qui maîtrise son appareil. La vitesse est allée entre 160 et 170 km/h. Sans déconner, vous vous moquez. Mais attends. Mais ça me paraît fou. J'ai hâte beaucoup, qu'on ait tous ça. Bah. Mais surtout, il n'y a que lui qui s'est piloté ça, gars. Il est champion. Il y a lui et Vincent Lagaffe. Non, mais avant. Ah, aussi, bien sûr. Mais Lagaffe, tout ce qui vole, tout ce qui nage, c'est lui qui fait. Avant qu'on invente la voiture, personne ne savait conduire des voitures et maintenant tout le monde sait. Quand là, on va dire ça, on va passer le permis de. C'est pas du tout la même chose. Non, mais c'est une analogie complètement ratée. Pas du tout. Tu dis personne ne sait conduire. Bah évidemment. Parce que pour conduire une voiture, on t'apprend, tu passes le permis. Mais gars, le premier conducteur de voiture, il n'était pas champion de volant. Lui, il est champion de snowboard. Il est hyper fort. Un mec de cirque ou je sais pas quoi. Ils vont pense qu'une personne normale qui monte dessus meurt dans l'instant. Évidemment, parce que t'as pas appris à piloter le truc. Attends, est-ce que t'imagines du coup, comme dans Retour vers le futur 2, on est tous sur des trucs comme ça pour se balader après? Bah ça va se démocratiser, c'est sûr. Okay, moi, j'ai... Bah, comme les voitures volantes quoi. Un drop de bière. Mais arrête de dropper des trucs, c'est fou, t'en fous partout. J'ai hâte que Daesh mette ses mains sur un truc comme ça va être vraiment pas du tout flippant quoi. Et allez, les mecs peuvent aller vraiment. Et tout de suite le catastrophisme. Oh là là. Alors que c'est super joli. Alors et que pour le moment, il y a que Frankie Zapata et Megagaff, donc le l'avatar de Vincent Lagaffe au sein de Fort Boyard, qui possède cette technologie. Nouvelle information. Là, il y a un truc. Megagaff, ça existe. C'est qui ça, Megagaff? Alors Megagaff. C'est la version robot de Frank Lagaffe. C'est un vrai truc. Ça, c'est le truc le plus insolite depuis Vincent Lagaffe. Je sais pas. Je sais pas. Laissez-moi expliquer aux auditeurs. Cybernétique, comme disait les années 90. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas regardé Fort Boyard, une très belle émission du service public. C'est payé avec nos impôts, je vous rappelle. Et parmi les nouveaux arrivants dans Fort Boyard, en fait, il y a tous les ans des nouveaux arrivants dans Fort Boyard. Des gens la boule est morte, donc. La boule est morte. Et la boule est morte ou la boule est mort? Comment on conjugue? Je crois qu'il était. Non, je crois qu'on dit morte. La boule est morte. D'accord. Je propose de ne pas le genrer. Bah ok. C'est vrai. La boule est morte, qui est une chanson de Georges Brassens d'ailleurs. Ah tiens, la boule est morte. Bah, c'est un bel hommage. Très belle chanson. La boule est mort. Point médian E. Exactement. Oh, c'est joli. Ah, c'est le mec le plus woke de France, hein, de toute façon. Donc, oui, c'est pas de le tester. Et donc oui, vu que la boule est mort, on a remplacé au sein de Fort Boyard avec plein de gens, donc les Bodins. Font partie de Fort Boyard. Mais non, les Bodins, c'est les Bodins, c'était de, c'est des paysans qui font des blagues. Oh non, c'est des mecs tu connais pas les Bodins. C'est des mecs qui remplissent des zéniths. Non, hein, mais ils remplissent pas, ils remplissent des dizaines et des dizaines de zéniths. Il y a du jeu de mots. Bah ils disent face de bouc, ils font deux vieux. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est une vieille, c'est un mec déguisé en vieille et un autre gars pas déguisé en vieille qui fait son fils. Et puis il y a beaucoup. C'est un mec qui vient du short. L'humeur, c'est beaucoup. Ah bah oui mais bon, ah il m'agace. Ah mais oui mais si jamais moi, ah bah dis donc, ah bah demain alors, c'est ça. Ok, ouais. C'est un peu en fait ils finissent tous leur sketch par, et bah demain alors. Ouais. C'est un peu leur catchline. C'est quoi, un peu leur catchline. Voilà. Donc il y a les Bodins, il y a Willy Rovelli et il y a Vincent et Francis Lalanne aussi qui fait partie, qui fait des magies. C'est un casting de fou, là. Gentil d'avoir fait ça parce qu'ils ont remplacé une personne en surpoids par, ouais, quatre par personnes. C'est vraiment dégueu quoi. On appelle une équivalence. C'est vraiment pas très gentil. Et donc Vincent Lagaffe, c'est un peu le nouveau venu et qui il se fait appeler Megagaffe. C'est son avatar. Mais on voit son visage ou genre il a un casque noir et un flingue. Non, en fait, il ressemble à un super héros. C'est le super héros du fort. Est-ce que quand il arrive, il y a la Zubida? Attends, est-ce qu'il arrive en scooter doré? Est-ce qu'il arrive en scooter? On est d'accord qu'il est. Voilà, je vous le montre. Mais non. Ah, mais c'est pas pareil. Mais c'est un indestructible. C'est un indestructible. C'est un indestructible. Et lui, c'est vrai que c'est pas exactement pareil. Il fait ça au-dessus de l'eau. Oui, voilà. Et bah, c'est ce gars-là, Frankie Zapata, a inventé ce truc. D'accord. Voilà, c'est lui qui a inventé ça. Il a pas inventé Vincent Lagaffe. Attention, pas d'amalgame. Il a inventé le véhicule de Megagaffe. Peut-être il a juste un petit masque en silicone. En tout cas, merci parce que j'apprends énormément de choses sur Fort Boyard. Bah oui, et donc la gaffe numéro 1 fait ça et le truc sur le bowling là. Wow. Alors bah, oui, je suis tombé sur la fin. C'est quoi le concept? Mais c'est des gens qui jouent au bowling à la télé. Sérieusement. Je viens de découvrir en arrivant. Alors je sais pas, mais les mecs jouent au bowling. À la d'ailleurs, le jeu, ça, c'est pas je crois que le jeu s'appelle bowling. Ouais. Donc, non, il s'appelle Strike. Ce qui est un bon indice. Pas loin de bowling. C'est comme si tu fais un truc sur le foot, tu l'appelles but. Ouais. Ce serait pas mal. Mais fais-le. Fais-le. C'est fait déjà. Ah putain. @ but l'émission. Sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est sur Energy 12. Quel prochain film? Je change de chaîne. Quel prochain Avatar? Attends, juste avant ça, parce que je me suis quand même noté un mini conducteur. Il va falloir aller au-delà de Megagaffe, quand même. D'insolite. Je pense que l'émission peut s'appeler Megagaffe de toute manière. Ce sera ok. C'est ok. C'est déjà fait. Non, y a, est-ce que vous, ça vous exciterait de faire un truc comme ça? Juste pour savoir. Le truc de. Alors attends, quoi? On a parlé plein de trucs. De retenir en plus un bowling. Faire un bowling. Ouais, voilà. Baiser un volcan. Faut être très. De quoi tu parles? Avoir des chaussures qui fondent. Faut vraiment être précis là. Quoi? Non, le flyboard. Non, mais savoir voler si c'est un peu. Me pendre avec un flyboard. Ouais, ça c'est bien. Non, de ouf. Très beau. Chier dans une piscine depuis un flyboard. Tu passes et tu fais 5 piscines. En tuant Macron. Tu dois faire plus possible. Ah ouais, moi ça me chaufferait de ouf, mais ça a l'air vachement dur à piloter. Ah, ça c'est sûr. Ça serait trop. Vous avez fait quoi? Vous avez déjà fait des trucs un peu extrêmes comme ça? Ouais, j'ai fait moi j'ai vélo, fait du. Moi. Non, tu vois du vélo. Oh, bah. Non, la trottinette électrique, c'est un truc extrême. À Paris, ouais, c'est un extrême. Hein. C'est un délire. T'es passé près de la mort? Non. Non, bon, ça va. Désolé. Non, juste trottinette. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai rien. Moi, je fais pas trop. J'ai rien. Pas trop, ça vous t'intéresse pas. Mais ça me brancherait parce que t'as vraiment, je pense, la sensation de voler. Oui, mais regarde, quand tu sautes en parachute, t'as un peu ce truc là aussi. Je pense que t'as plus la sensation de tomber. Ouais. Mais genre, je sais pas si ça donne vraiment plane, l'impression de voler. Je sais pas si les gens. En fait, toi, c'est plus le fait de décoller, en fait, toi, qui un delta plane. Exactement, ça vole en fait. Plutôt... Le fait d'aller tout droit, de pouvoir monter, de pouvoir gérer ton altitude comme ça, sans être dans un vrai avion, je pense que c'est totalement nouveau. Enfin, je sais pas, après, peut-être le LM, il y avait quoi d'autre Ah, j'ai fait de l'ULM, moi. Voilà, ça c'est extrême. Alors, c'est comment? C'est fou. C'est trop bien. Ouais, en fait, c'était le cousin de mon père. Il avait un ULM. Il possédait un ULM. Wow. Et il décollait depuis son jardin. Ah ouais, c'est bien. Et du coup, j'étais monté avec lui. Donc, voilà, une fois qu'on était en altitude stabilisée, il m'avait dit. Il avait lâché le manche, il avait dit allez vas-y c'est toi. Et du coup j'étais gosse. Il est mort. Quoi. À quel moment t'as fait il est mort. C'est pendu. Il est pendu. Il a dit allez vas-y toi. Salut madame. Voilà. C'est pendu pendant le vol. C'est pendu, tu dirais à ton père. C'est vraiment une sale blague. Vraiment tu dis mais non. Je sais qu'on contrôle pas ces moments là mais là. C'est génial qu'à la c'est fin. Dur. Ouais j'avais pas envie de me rappeler de ça. Non mais et qu'on puisse pas enchaîner en fait. Le fait de voler en étant sur une petite plateforme ronde comme ça tout seul juste avec un costume, pas d'appareil autour, je pense que c'est vraiment dingue quoi. Non, c'est vraiment le bouffon vert, c'est vraiment ça. Ouais quoi. C'est ça. C'est le truc du bouffon vert. C'est vraiment fou quoi. Ah, c'est ouais. Ce qui se rapproche le plus d'Iron Man finalement. Est-ce qu'on y va pas petit à petit? Moi je suis chaud. Fiction et réalité. À tous devenir des millionnaires. Ouais, oui, putain, tout de suite. Bien, hein. Mais lui, il a pas l'air d'être millionnaire. Si riche. À lui non. Ouais, après, il a eu 1,5 million pour son truc par l'armée. Ok, donc tout est relatif. Ah, mais il a eu des financements pour son projet, mais ça se trouve, lui-même est peut-être pas très riche. Quoi. Mais sachant qu'en plus. Bah, 1,5 million, est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu riche? Le premier. Non, mais c'est, ils lui ont filé du fric pour développer son truc. Ils lui ont filé du fric pour son truc. Ah ok, il a été payé. Ouais. Ok, c'est donc, bon, il est riche. Ouais. Un million de riches, on peut dire riche. Ouais, ça va. Ouais, on peut dire qu'il a de la thune, mais après le bon délire, ce serait qu'il fasse faire des tours à des gens. Attends, il est à 0,4 comme dans une cité. Moi, quand j'étais petit, j'avais quelqu'un qui avait un Pee-wee, tout le monde était là, je peux faire un tour et tout. Et ouais, attends, c'est chaud à piloter. Vas-y, je peux te le ramène. Je te le ramène tout de suite. Ouais, on me l'a déjà fait ça. J'ai fait 15 ans de snowboard, tu vas te cracher. Vraiment, c'est relou. J'en ai marre des gens qui se crachent. Mais il faut que vous sachiez que Francky s'est échoué au début. Oui, il a eu une gaufrette. La première est tombée au bout de 1 minute 20. Mais c'est bien déjà. Non, bah attends, 1 minute 20 quand tu fais du rodéo par exemple, c'est beaucoup. Donc là, c'est la même chose. Bah, il est tombé très très vite. Mais, à cause de quoi? On sait? Écoute, lui, il dit que c'est notre faute à 110%. En fait, il s'est un peu tapé le coude en tombant. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire pour te rassurer sur son état de santé. Il s'est tapé le coude en l'air? Non, quand il est tombé dans l'eau. Ah. En fait, en gros, il a accéléré à 170 km/h et arrivé devant un bateau de ravitaillement. Il avait 2 minutes pour atterrir, mais il n'arrivait pas à s'approcher. Et quand il est arrivé, la plateforme bougeait d'1,50 m, plus que sa largeur. Quand il est arrivé à 0 km/h, j'ai amorcé la descente. Et au moment où j'ai attrapé la barre, le bateau a freiné net. Ça, j'arrive pas à croire c'est qu'un trop bateau technique. Freine net. Vraiment, genre il pile. Hop là, ouais, bah ouais. Quand t'as des bons ABS, peut-être. Il est passé sous la barre et il s'est éjecté comme un bouchon en arrière. Mais il aurait pu mourir 4 fois en fait. Éjecté comme un bouchon en arrière, mon cerveau il a dit j'ai rien. Moi j'avoue, c'est bon. Il m'a perdu. Vraiment, mon cerveau il a fait mec, je give up. J'ai lâché l'affaire. Moi cette explication m'a perdu à kilomètre heure déjà, j'étais là. Quoi? Non mais ça en gros, il est tombé dans la flotte à cause d'un bateau. Voilà, il a mal géré. Parce qu'en fait, en gros, je pense. Il a rien eu. Il a juste eu un peu mal au coude. Un peu mal au coude. Bah, je te dis, la semaine d'après, il l'a fait et tout s'est très bien passé pour lui. Est-ce que vous connaissez l'ancêtre de Tinder? Grindr? Non. Ouais, alors oui, c'est s'appelle la rue. Ça s'appelle la drague. Non, c'est ça s'appelle le harcèlement de rue. Alors oui, mais ça à la. Mon pote. À la base. En fait, en gros, il y a un document de l'INA qui est ressorti et un truc qui s'approche plus que ce que vous venez de décrire de Tinder. Mais non. Un magazine, si. Les agences matrimoniales. Ah ouais. Non. C'était si, pour moi j'ai bon. On n'est pas épisodes. Alors on a question suivante du coup alors. Shirley disait les petites annonces, ce ne sont pas les petites annonces. Très bien. Un truc au téléphone? Non. Minitel? Non. Minitel rose? Non. Deux bonnes réponses pour moi. Un bon bordel mon gars. Le qui est? Bah ouais, c'est un qui est. Qui est-ce? Ouais, non. Est-ce qu'elle aime les voyages? Bah, je vais prendre le moustachu. Je vais prendre le moustachu. Bah voilà. Les speed dating, non? Oh, non. Mais quoi? Le speed dating, j'ai dit, mais je pense non, pas. Ouais, non. Je me suis découragé à dating. J'étais là, mauvaise. T'as fait 1 minute 20 comme Frankie Zapata. Exactement, j'ai fait. Pardon. Et ben on a là, plus et on s'ennuie, on sait plus quoi dire, on a peur. Attends mais je cherche l'ancêtre de Tinder. Ah ouais, on a peur, c'est l'échec. Non mais attends, c'est quoi, c'est un type d'événement? Non, en fait c'était vraiment un truc électronique technologique. Okay. Ah, je sais, je crois. Comme une app, en fait. C'est pas l'espèce de truc qui vibre quand t'es quelqu'un de compatible avec toi, machin. Exactement, je vous fais écouter ce vieux reportage de l'INA, ça dure 38 minutes. Ça, c'est Seinfeld par contre. Ouais. Vous enviez les couples qui s'aiment, mais vous hésitez à vous jeter à l'eau de peur d'être éconduit. Timide de tous les pays, réjouissez-vous, le bip bip de l'amour est arrivé, c'est le flashing. le flashing. Ce que vous entendez là, ce n'est pas le bruit d'une ambulance, c'est le bruit qu'émet le flashing. Alors le flashing, je vous dis ce qui est écrit sur la notice, c'est la drague électronique. Ça permet de faire plein moi j'ai la gaule, juste le son là me fout la gaule. C'est une petite boîte de la taille d'un paquet de cigarettes. Ça se porte sur soi n'importe j'imagine quand, vraiment quelqu'un avec une toute petite flûte là. Et quand vous croisez un autre ou une autre un processeur de flashing, non, ça émet un bip sonore. Autrement dit, tu vois vraiment le flashing, un gars souffler et être en galère. Des tas de rencontres. Ainsi, plus de risques de se faire traiter de sadique si vous abordez un autre possesseur de flashing, puisque c'est le signe de l'ardent désir de faire des rencontres. Inventé par une self-mad woman qui a peut-être souffert, ce merveilleux petit appareil possède plusieurs fréquences. Les fréquences sont des fréquences... C'est Carmela Brunet qui a inventé le flashing. Ce sont des fréquences... qui a inventé la dépression de la presse à voir. Des fréquences lesbiennes et des fréquences couples échangistes. Quoi ? Nous avons des fréquences en fait pensé à tout le mais monde. Mais fréquences couples échangistes, c'est tout le monde en fait, en gros. Voilà une attention digne d'une vraie démocrate. Voilà. Ah bon ah, démocrate, j'aime bien. Moi, je vais dire aux gens, tu sais, dans une soirée, dis salut, ça va ? Ouais, t'es démocrate ? Oui. Mais ça aurait été plus marrant d'avoir vraiment de créer des emplois, d'avoir un gars avec une petite flûte et qui est tout le temps là dès que. Vas-y. Ah, vous entendez ? Ça veut dire qu'on peut faire des trucs. Mais j'ai vu le petit gars, franchement, c'est relou. J'ai l'impression que vous plaisez à quelqu'un là. Ouais, il se passe quelque chose. C'est peut-être moi. Oh, président. C'était pas la même voix. Est-ce que vous auriez testé vous un truc comme ça, le flashy? Vous avez fait Tinder vous ou pas? Non, j'ai jamais testé Tinder. Non. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Ah ouais? Un petit coup de baisse, un petit coup de baisse de morale, ouais. Et ça a fonctionné? Ouais, je me suis dit je vais tester, tu vois, parce que vraiment en crevarde quoi. Genre vraiment ça fait 2 mois que j'ai rien fait, il faut que je trouve quelque chose quoi. Et j'ai essayé. Et en fait c'est assez triste parce que je vais pas mettre mon prénom, genre. Ouais. Parce que la fois que j'avais essayé, mais les gens m'envoyaient Charles Soignon avec des majuscules, tu sais, genre. Et du coup, je disais, non, c'est pas moi, j'assumais pas le truc, donc ça marchait pas, donc j'ai mis un vieux prénom. Ah, tu disais, c'est pas moi. Bah, j'ai pas assumé. J'assumais pas le truc. Ce qui est dommage, en fait, du coup, pour créer un lien, effectivement. Mais en fait, je suis super nul pour parler sur les réseaux, donc je savais très bien, de base, en y allant, que j'allais rien faire. Que c'est juste pour faire. Pour l'expérience, quoi. Tu vois, moi, je suis du genre à marquer Kikou. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Vraiment. Et là, vraiment, j'ai mis un autre prénom, tu vois. J'ai mis genre Teddy. Ah, mais ouais, d'accord. J'ai fait une transition. Là, tu changes beaucoup d'identité, quand même. Teddy Riner. Teddy Riner. Et du coup, je l'avais oublié de l'enlever, tu vois. Je l'ai fait une journée, vraiment. D'accord. La tristesse du truc, je l'ai laissé mon profil. Et j'ai fait un festival à Deauville avec Léa Lando. Et apparemment, elle a une copine à elle qui est lesbienne et qui a montré ma photo en disant Teddy, il ressemble pas beaucoup à Charles Soignon. C'est comme ça que je me suis rappelé que j'avais pas supprimé ce putain de compte. Ah merde. Et est-ce que quand t'es revenu, t'avais genre 17 messages ou un truc comme ça? Aucun message. Ah ouais, non, t'as des notifs. Ce qui est vite triste, ouais. Zéro. Parce que soit les gens ils croient que bah, c'est un fake, ouais. Soit ils aiment pas ma gueule. Hein. Ça, ouais. Non, mais il y a plein de gens qui doivent se non, dire. Non, mais du coup, hein, voilà, c'est d'une tristesse parce que je sais pas parler moi sur les trucs comme ça. Je sais pas. Ah bah ouais. C'est bizarre, tu dis quoi? Enfin, tu vois. Ouais, moi, en vrai, je sais pas parler. Donc... Non, mais moi, j'avais essayé à Crise là-dedans, effectivement. Non, moi, j'avais essayé Adopt, mais pour essayer, parce que j'avais envie d'en parler sur scène. Ouais. En fait, ça m'a déjà un. Voilà, ça je fais trois très vite. Dessus. Très vite, on m'a dit ouais, ça te fait marrer de prendre des photos de gens qui sont déjà passés. J'étais là, non mais c'est moi. Et après, elle a dit franchement, si c'était toi, tu serais pas là-dessus. Et j'ai dit ouais, j'avoue, allez. Même pour l'expérience, c'est vrai. Ouais, la meuf elle m'avait dit t'aurais pu mettre plus mignonne. Parce que j'ai dit j'ai mis une photo de Charles Soignon, ça marche. Oh non, mais non, la prime, c'est très méchant. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah ouais, mais est-ce que c'est Teddy qui a dit la pute? Moi, t'es trop. La pute dans ma tête. La pute, avec beaucoup de. Mais c'est assez stylé, vous, parce que moi, quand je faisais Tinder, personne n'a dit ah, c'est Flaubert. Bah, fais-le maintenant, fais-le maintenant, tu vas voir. Oui, bah oui, bien sûr. Vous êtes gentil. Ah, bah, oui. Non, moi j'avais essayé, mais pareil, c'était un fiasco. Ouais. Et moi je suis allé jusqu'à la rencontre. Moi, par ah ouais, ouais ah j'ai rencontré la personne et tout. Moi je pense que vraiment personne me reconnaîtrait. Je pense que si je mettais bon, sur que si, Tinder, sûr que si, je pense si je mets Yacine avec eux, moi je suis pas sûr. J'ai jamais essayé parce que je pense pas. C'est pas mon. Ça m'a jamais attiré. Quoi. Ouais, c'est pas ton délire. Moi ça m'a jamais attiré. C'est très bizarre. Mais en même temps, moi c'était un peu quand c'est sorti, il y avait un peu ce truc où. Enfin, moi, c'était quand même mieux que parler vraiment à des gens. Enfin, tu vois, je crois que quand c'est sorti, c'était bien plus excitant que aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu tellement connu, tellement habitué un peu, ouais. Que voilà. Ouais, mais quand c'est sorti, je sais qu'il y a plein de gens qui. Non, utilisent mais les gens, de les moi, gens ils consomment ça très content. Mais d'ailleurs, pour aller est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un truc du moment là pour rencontrer des gens? Est-ce qu'il y a une app du moment? Je sais pas. Genre un peu plus. Je connais pas. Je crois que les gens se pêchent sur Insta maintenant, non? Ah, peut-être. En MP direct. Insta, ouais. Insta. Et pardon, ça cartonne. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas Snapchat, mais il y a plein de gens qui me disent Insta et Snapchat, les gens s'envoient des messages comme ça. Putain. Je parle comme une personne âgée. Mais il y a un truc en WhatsApp. J'ai vraiment pas Snapchat. Mais toi, t'es un mec de la vraie vie, toi. Non. Toi, t'es connecté à un réseau social. J'ai Instagram. J'ai Instagram. Pas besoin de mot de passe, hein. Pas besoin de mot de passe. Pas besoin d'identifiant. Ça me fait penser. Le mot de passe, c'est ta personnalité. Bah, c'est ça, en fait. Non, mais. Ouais. Mon frère a fait un statut Facebook en disant hey, je pars en vacances à tel endroit. Ah, je l'ai vu. Est-ce que vous avez des adresses cool et tout? Et il y a quelqu'un qui a dit: mon seul conseil, c'est d'éteindre ton téléphone pendant une heure et vraiment profiter de tes vacances. Et bah, ça m'a pris beaucoup d'énergie de ne pas répondre à cette personne. J'étais vraiment fatigué le soir. C'était très très dur de ne rien dire. Voilà. Demande à des gens ce qu'il y a de sympa à faire. C'est toujours mieux qu'internet. Parle aux gens. Faux, parler aux gens, c'est sympa. Faux, y a de toi l'esprit. Te reconnecter avec la Terre. Peut-être. Il y a des milliards de top 10 qui. Parce que nous, on avait pareil. J'ai fait ce qu'on prit top 10 aussi. Mais c'est top 10. Ah, mais c'est top 10. C'est ce que je disais. Ah, c'est vrai. Mais oui, le top. C'est les 10 plus belles beats. Non, des top 10. Ah, dommage. Non, j'avais dit top 10, mais je voulais dire top 10. C'est très dommage. J'aimerais bien avoir un top 10. Genre des dick pics, les meilleurs. Les meilleurs dick pics, les pires. Ou les pires. Ce serait drôle. C'est un peu marrant. En fait, c'est des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que des sites internet qui regroupent des milliards d'avis, tu vois. Par exemple je suis très relou en vacances, je suis tout le temps sur dès qu'on veut aller à un resto, je regarde TripAdvisor s'il y a plus de 4 étoiles. Ah ouais, moi je déteste. En fait, je crois que c'est un manque de confiance en moi et donc du coup, j'ai besoin de vérifier. Non, mais je fais pareil. C'est un manque de confiance en tous les autres gens. Oui, c'est ça. pas toi. Non, mais tu vois, parce que j'ai pas ce truc. Est-ce que tu demandes un truc d'appréhension en me disant non, mais ça a l'air super sympa, t'y vas et tu fais en fait. Tu manques de spontanéité. C'est ça, je manque peut-être d'audace. Ouais, je manque ça, mais moi c'est ça. Voilà, il y a un truc où je peux pas juste dire oh, c'est joli. Je peux pas croire. Parce que tu sais, quand on a des critiques d'ailleurs en tant que Maurice, donc ah bah d'ailleurs, n'oubliez pas sur Biréduc. Moi je lis jamais. N'oubliez pas parce que sur Biréduc, il y a le bouche à oreille, c'est super important. Ouais. Non, mais je voulais vous le dire. Non, mais on a tout le temps des critiques. Et alors, j'ai très très peur, moi, de perdre une demi-journée parce que tu t'es t'as été dans un restaurant claqué et t'es dégoûté, tu vois. Mais c'est normal de chercher un peu, je trouve. En revanche, le truc de ouf que j'ai fait pour la première fois de ma vie, c'est qu'il y a un restaurateur, j'ai mangé chez lui, c'était une pizza. J'ai vraiment apprécié la pizza. Il m'a dit, s'il vous plaît, laissez une critique. Mais vraiment, genre dans les yeux, tu vois, genre comme un service, genre, mets-moi une critique. Donc, pour la première fois de ma life, j'ai été sur TripAdvisor, j'ai un compte, Yacine B. J'ai laissé une critique en disant très bonne pizza, machin. Et t'as une sensation un peu de gênante. Ouais. Il y a des gens, je pense qu'ils ont. Franchement, la pizza, elle était chambée. C'est pour ça que j'ai pas confiance. Il m'a demandé comme un père à son fils, tu vois. Ouais. J'ai fait, ben oui, monsieur, j'ai été. Voilà quoi. On nous l'a fait aussi, nous, là, en vacances. Et ça te fait culpabiliser. Quand le mec te le demande et tu fais bon bah oui, je vais te laisser un truc. Parce que TripAdvisor me dit les gens qui mettent des critiques négatives, ils ont le temps, ils ont une espèce de démarche comme ça. Je pense qu'il y a un petit sentiment de pouvoir là-dedans. TripAdvisor, j'ai pas beaucoup de monde, il y a plein de gens. Ah ouais, et bah vous allez voir. Quand j'adore un truc, je vais pas mettre de critiques. Oui, mais il y a plein de gens qui ne disent jamais rien quand ils aiment. C'est vrai. Mais moi j'avoue. TripAdvisor a élu un resto qui n'existait pas, le meilleur resto, parce que les mecs ont organisé ça, des mecs de Vice, Butler. Ils ont créé un restaurant qui n'existe pas. Sans menu, sans plat, juste au buzz. Et ils ont fait en sorte que ce restaurant ait les meilleures critiques. Et c'était le restaurant numéro 1 de Londres, c'est ça? Ouais. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui ont recréé ce canular de faux restaurant. Et sur tu peux manipuler TripAdvisor d'ouf. Mais je comprends l'anxiété de se tromper. Mais l'anxiété, en fait, c'est super. Mais en même temps, quand t'as 200 personnes qui disent qui mettent 2 étoiles, déception et tout, moi je sais ça avec les hôtels. Parce qu'autant un resto, tu te fais un mauvais resto, tu dis bon, vas-y, j'ai niqué 60 balles. Hôtel, tu Que tu peux mettre des prix et du coup les docteurs tout. Mais c'est vrai. Ma meuf, hein, moi j'ai mis sur les Google docteurs aussi, évidemment. Mais attends, il y a des avis sur les docteurs. Ah oui, Google, il y a des avis sur tout. Non, mais et ça sert vraiment parce que c'est un docteur. Il note même les toilettes, à propos des toilettes, la femme de ménage a bien fait les toilettes. De ouf. Avec un petit bonhomme. Côte top à côte top. Mais tu sais qu'en vrai, c'est un truc où, enfin là, par exemple, on a fait plein des B&B, des bed and breakfast, et tous ils ont leur note de booking et tout. Enfin, c'est genre une fierté de ouf. Bien sûr. Pour faire de la promotion. C'est surtout intéressant pour eux de le mettre en avant, comme ça ils ont plus de gens. Oui, c'est ça, c'est exactement la fierté ça. Même. Ils se disent bon bah voilà. Moi, tu sais qu'il y a un appart comme ça que j'ai trouvé grâce à mes avis sur Airbnb, parce que j'ai fait beaucoup de Airbnb dans le monde, et du coup, il y a une meuf qui m'a prise pour un long durée grâce à mes avis Airbnb, genre pas de dossier, pas de garant, mais parce qu'elle a vu que je faisais bien ménager. Ah ouais. Ah, c'est ouf. C'est ouf, hein. Donc maintenant tu peux, mais j'ai vu que dans, quand on demande des dossiers de location, maintenant on te demande si t'as des avis Airbnb ou autre. Ah ouais, ouais. Putain, c'est chiant. Eh ben dis donc. Eh ben voilà. Et ça, il flyboard. Futur. Ça évolue. T'as pas les moyens de voyager. Prend tous les jours. Si t'as pas les moyens de voyager, ben t'as pas d'avis Airbnb et t'es encore plus dans la merde. Et voilà. J'aimerais avoir l'avis d'Emmanuel Macron là-dessus. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. C'est la société dans laquelle on vit. Oh président. Ah oui, bah ça va. C'est toi qui as fait où? C'est toi qui as fait. Les gens l'ont pas vu, mais effectivement, il a fait les deux personnages. J'ai hué Macron. Il a fait les deux personnages. Quel personnage? Cette voix aiguë est très embarrassante. J'ai un sketch dans mon spectacle, il y a des extraterrestres qui attaquent et je fais Emmanuel Macron très mal aussi. Mais cette voix aiguë surpasse tout, je pense. Parce que je fais Emmanuel Macron en disant bonjour, je suis Emmanuel Macron, voilà. Mais là, bonjour, je ne peux pas imiter ça, c'est trop de talent. Je serais ravi qu'on le fasse en duo. Et ben, si tu veux, tu viens à mon spectacle, le moment où je le fais, tu montes avec moi sur scène. Et je fais, voilà. D'habitude, c'est moi qui le fais mal, mais je vais vous montrer quelqu'un qui le fait merveilleusement mal. Appelez votre duo Macron et un peu plus Macron. Et on s'appelle les M&M's. Oh, on va proposer les belles IL, c'est moins bien. Non, c'est M&M, c'est plus fort, j'avoue. J'adore. À votre avis, quel nouveau film va être remaké par Disney prochainement? Les Bronzés. Avec comme le Farrell. C'est comme le Roi Lion. C'est tout en tout avec des animaux. Alors, il y a la petite sirène, mais c'est pas celui que je pensais. Le dernier qui a été annoncé récemment. Pour moi, on a bon. Ça fait la troisième bonne réponse. On est trop les M&M's. Mais il y en a, ouais, mais. Le prochain, Robocop va sortir. Un Disney, hein, le prochain qui vient d'être annoncé là. Ah, un Disney donc. Et ben, c'est du coup un Disney, mais c'est gros. C'est Star Wars, l'Empire contre attaque. Histoire très connue. C'est un dessin animé. Très connu, c'est un film très connu. C'est un film. Cusco. Titanic. Non. Attends. Non, parce que c'est pas un Disney, c'est un truc qui fait partie de l'Empire. C'est l'Empire Disney, parce que Disney rachète beaucoup de choses. Et c'est un dessin animé à la base ou c'est un film? Pas un dessin animé. C'est un film. Donc il remake un film. Ok. Image réelle. Exactement. Ok. Le geek. Allez donc, c'est Marvel? Non. C'est bas. Moi je sais qu'ils vont sortir, ça c'est vrai aussi, une série Maman j'ai raté l'avion. C'était ça que je pensais, mais je savais pas que c'est une série, je crois que c'était un film. C'est une série apparemment. Et bah que des infos erronées. Ouais. Non, c'était pas un podcast. Alors j'ai bien dit apparemment. Ouais, ouais. Ah, cela dit, t'as dit un film qui va être remaké et t'as vrai. Pas dit en film. Que ou pas, des infos où on joue quand même un petit peu sur les mots pour dire qu'on s'est pas trompé. Et bah ils vont faire une série, ouais, Maman j'ai raté l'avion. Ou mais un film, ils vont rater beaucoup l'avion. Ouais, ouais. C'est une série. Mais en fait, c'est nul parce que. Enfin, c'est nul. C'est encore une fois. Non, mais c'est marketing. Tu l'as pas vu. Non, mais je dis, le principe est. En fait, le principe, c'est juste que Maman, j'ai raté l'avion, c'est la comédie qui a rapporté le plus de tous les temps à un moment. Juste, il y a eu Ghostbusters et après, il y a eu Maman, j'ai raté l'avion, donc ils prennent le truc et ils se disent, bon, bah voilà. Le truc qui marche le plus, c'est quoi? Et après, on envoie quoi. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que Macaulay Culkin, il a fait un. Je redeviens enfant. Non, mais il a fait un post. Il a fait un post sur Insta. C'est pas ça. Postez sur Instagram. Ma collègue Kim a fait un post Insta aujourd'hui en disant voilà à quoi ça ressemblerait un remake de Maman j'ai raté l'avion, et c'est genre c'est lui adulte. C'est lui qui se pend. Et là c'est qui vraiment là, c'est la plus belle des analogies. Maman j'ai raté ma vie. C'est tout pour nous, merci beaucoup, on vous laisse. J'espère que vous avez passé. La voix de radio d'Yacine. On passe maintenant à déjà, parce qu'elle était à une vitesse folle, la dernière information. Bah, oh non, oh, j'ai oublié encore 13. Je lance le jingle, si Black Mirror. Aïe aïe aïe. Pour moi c'est Black Mirror, Black Mirror. À mes yeux, oui, c'est Black Mirror. Black Mirror. On peut avoir l'interprète de ce jingle. Bah, c'est Emmanuel Macron. Et la notice. Pour moi, c'est pas moi, hein, c'est Florent. Non, c'est moi, c'est moi. J'ai envie d'encadrer dans ma chambre ce jingle. Pour moi, c'est Black Mirror, puisqu'on est dans la catégorie un peu oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans cette société qui va à 1000 à l'heure. Une influenceuse trompait ses abonnés. Et elle s'est fait griller en plein live sur Instagram, Yacine. Instagram, ouais. Quelle était l'arnaque? Ah, vous l'aviez? Je crois, je crois. Je connais. Moi, je l'ai pas, moi je l'ai pas. Yacine et Charlet. Tu l'as pas, okay. Non. Ça se elle s'est pas fait. Elle s'est fait. Elle avait un filtre depuis le départ. Oui. C'est exactement ça, Charlet. Trop fort. Alors moi j'avais autre chose du coup. Putain, elle avait un filtre. C'est moi, c'est n'importe quoi. Elle avait un filtre. Moi, elle s'appelait Teddy apparemment. Non, elle avait. Tu peux mettre des filtres qui te rendent un peu plus beau. Ah oui, mais ça te change pas. T'as pas vu cet été, il y a eu deux stories avec gens qui avaient le filtre vieux ou le filtre bébé. Ah, ça me dit quelque chose. Elles sont passées vite fait. Non mais elle mentait sur son âge en fait. Genre elle avait 80 piges. Non mais pas mal quand même, je elle, crois. Elle, ah ouais. Ouais, en fait, c'était une vlogueuse populaire. Elle n'avait pas d'oreille de chien en vrai. Qui se fait appeler Votre Altesse Kiao Biluo, qui a dévoilé par inadvertance son visage qu'elle cachait jusque-là à l'aide d'un filtre rajeunissant. Oh. Ainsi que ses fans insistaient pour qu'elle dévoile son vrai visage le 25 juillet t'as dernier. Des, t'as des images juste pour... Oui, je vais vous la montrer. La, pardon, la vlogueuse. Tiens, regarde, elle est là. Ça, c'est oh, en... là, effectivement, donc c'est là. Là. Et c'est à gauche, c'est ici. Voilà, désolé, je j'ai pas été assez vite. Ah oui, non, effectivement. Voilà, alors, c'est pas non plus 80-20 en termes d'âge. Elle est sur une cinquantaine. Voilà, ouais, elle a 58 ans, voilà, je l'ai. Elle a 58 ans. Et sur le filtre, elle en a 20, franchement. En gros, la vlogueuse a déclaré qu'elle ne montrerait pas son visage tant qu'elle n'aurait pas reçu la somme de 13 000 euros. C'est là oui, où pour le se refaire faire le visage, justement. Non, mais en gros, voilà, de voir ce filtre. Du chantage qui a vraisemblablement bien fonctionné puisque ses fans ont commencé à lui verser de l'argent. Waouh, wow, mais c'est incroyable. Ah, manque là, là, de peau quand elle a fait le live au cours de la discussion vidéo en direct avec ses fans, le filtre au a cessé de fonctionner oh. Et le vrai visage de la vlogueuse a été dévoilé sans qu'elle ne s'en aperçoive directement du visage de jolie jeune fille. Les internautes se sont retrouvés en face d'une dame de 58 ans en quelques secondes à peine. Ça n'a pas plu à tout le monde. Certains ont quitté la certains qui se branlaient visiblement ont quitté la clairement conversation vidéo, ont annulé leur paiement. Ah, je me retiens de pisser depuis 2 heures. Oh, ils se sont désabonnés de la vlogueuse sur les réseaux sociaux en premier temps, car au final, elle a créé une vague de soutien. Bien sûr. Suite à ça, et le nombre d'abonnés de sa chaîne YouTube a cinquuplé. Pas du tout de YouTube, sa chaîne sur Weibo. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Cette histoire de filtre a par ailleurs créé des polémiques sur l'utilisation des filtres rajeunissants ou qui permettent de masquer l'identité des personnes à travers l'écran. D'où la section pour moi, voilà. C'est Black Mirror. On va nous interdire les filtres, voilà. On a déjà pas le droit de mettre des cagoules dans la rue. On va nous interdire les filtres. Ah, vas-y, dealer, Polo. On peut plus rien faire. Oui, bah ça va, écoutez, c'est pour votre sécurité. Oui, mais quand oh même. Oh là là, mais c'est... Ouais, on nous entrave. Mais je crois qu'il y a un gars qui est pour Macron. J'ai envie de faire une conversation à 3 et que tu perdes la tête. Oh Dieu. Là vraiment c'est dommage que les auditeurs soient pas là. On est dans Split là. Là vraiment j'ai l'impression d'être dans Split. Ils sont combien à l'intérieur? Ça va à une vitesse. C'est fou, c'est le titre de son spectacle. Ils sont combien à l'intérieur? Ah putain, c'est trop bien, j'adore. On hésite entre ça ou l'homme aux mille visages. Non, ouais, ils sont combien à l'intérieur pas. C'est mieux parce qu'il y a un suspense. Ouais, parce que on va dévoiler à la fin. Si j'ai 13 000 euros, bah voilà, 53. Si j'ai 13 000 euros, je dévoile combien ils sont à l'intérieur. Voilà, et ben franchement, c'est parti, on a lancé. Nous sommes 4. Non, t'as grillé. On peut faire un Kiss Kiss Bang Bang. J'encourage les auditeurs à créer donc voilà un crowdfunding pour le spectacle d'Adrien Méniel qui s'appelle Ils sont combien à l'intérieur. Il y a vraiment un spectacle ou pas? Non, pas du tout. Attends, y a peut-être... tout dépend combien il y a d'argent. Oh, attendez, j'ai un enchaînement superbe. Il y a peut-être un spectacle bientôt. Oh, ça, je mets la musique de 1492. Mais j'aurais mis Black Mirror. Il y a une musique Black Mirror. Black Mirror. Il y a un spectacle bientôt. On peut l'annoncer. Non. Regarde, c'est pas. Non, il y a pas un spectacle d'Adrien Méniel. Ah, c'est vrai que c'est pas. Non, rien à voir. Je vais juste après, manger. Après, peut-être il fera une première partie. Il y aura plein de personnages. C'est un peu ça, mais pas vraiment. En gros, le 21 octobre, vous pourrez retrouver le Floodcast en live. Tout simplement. Floodcast avec Gérard Depardieu. Donc alors, il y aura Gérard Depardieu qui sera présent. Donc ouais, Mister V. Ce sera le 21 octobre dans une grande salle parisienne qu'on peut pas encore annoncer pour des raisons en fait juridiques. Tant qu'on n'a pas vraiment signé, on n'a pas le droit d'annoncer la date. Okay. Mais ce sera le 21 octobre à Paris. 21 octobre. Vous avez signé les contrats avec qui? T'as essayé de me bien joué. Bah, je reviendrai. Je vois une professionnelle des Mickey Enigme. Donc oui, non, on sera le 21 octobre dans une grande salle parisienne et on compte vraiment sur vous pour que vous veniez. Il y a un event Facebook dans la description de ce podcast où de toute façon Adrien et moi on va le partager sur nos carrément réseaux sociaux. J'étais pas au courant, ça existait, mais je vais le faire, grave. Et pour rejoindre les réseaux sociaux, t'es pas au courant? Pour rejoindre il y a plein. On va se parler après. Pour rejoindre un groupe Facebook où vous serez, vous annoncera en avant-première la billetterie. La billetterie n'est pas encore en vente, mais ça va arriver fin août, un truc comme ça. Donc, pas de billetterie, y a pas de salle, elle est chelou cette soirée. Non, mais c'est pour vous prévenir de réserver en tout cas votre 21 octobre. Si vous voulez venir, si vous voulez pas venir, faites autre chose de votre 21 octobre. Est-ce qu'on a déjà une idée du prix? Non. Ce sera pas très cher. On a fait en sorte vraiment de faire le moins cher possible pour que le plus de gens puissent venir. Comment? Entre rien et un tout petit peu cher. Entre rien et pas très et cher. Franchement, deux menus McDo. Voilà, franchement, c'est à peu près deux menus McDo. Après, ça dépend de votre appétit. Mais en règle générale, je dirais deux menus McDo. On va quand même toucher un max de thunes. Bah ouais. Non, mais attends, déjà, j'arrive en moto. Donc, je peux pas vous dire mieux. Il va falloir en flyboard. Ouais. Je vais venir, c'est sûr. Donc voilà, 21 octobre, vous aurez plein d'infos là, qui arriveront bientôt pour, là, encore une fois. La salle, la billetterie, mais en tout cas ce sera à Paris, ce sera le 21 octobre et on vous attend très nombreux. Voilà, c'est un peu fou en vrai. On a, en fait, en gros, ça fait 5 ans, du coup, comme je disais, qu'on fait ce podcast. On avait fait des petits lives à Frames, voilà, ouais. Mais qui était super cool, mais qui effectivement était un peu à Avignon, donc du coup, ça permettait de toucher moins de gens. Et puis en plus, on devait faire des émissions très courtes parce qu'on était sur un laps de temps, en fait, on était entre deux trucs. Mm. Et là, on a la possibilité de le faire grâce à Antoine, que j'embrasse, Antoine du podcast 2 heures de perdu, que vous connaissez sûrement. Et c'est lui qui m'a proposé ça. Et donc, du coup, on va faire effectivement une émission en live, en public, avec des invités exceptionnels. Je peux pas vous en dire plus, mais il y a des invités extraordinaire. Non, l'idée, c'est vraiment de faire pas juste un podcast en live, ça va être vraiment une chouette soirée. Un show à l'américaine. Entre l'Amérique et Bourg-en-Bresse. Voilà. Entre les deux. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire. Il y aura de la musique, il y aura plein de trucs vraiment chouettes. Donc, vraiment, je ne peux que vous inviter à prendre vos places. Et voilà. Donc, voilà, plein d'infos qui arriveront prochainement sur la billetterie et la salle. Mais. Quelle bonne nouvelle! On est trop contents. Hein. Merci. Bravo. Ah, je suis très ému, je suis trop content qu'on fasse ça. Je suis vraiment très très heureux avec Adrien. Parce qu'on a commencé ça dans les locaux de Golden Moustache il y a 5 ans. Et voilà, maintenant on fait une grande salle. Un petit indice quand même pour la salle. Accor Hotel. Ah. J'en dis pas plus. Juste à côté. Madisonsk. Non, ce sera dans un Accor Hôtel. Ouais, c'est ça. Ouais, à la Défense. Dans le hall. À Lille. Pas ouf du tout. Avant de passer à la deuxième, à la troisième partie de l'émission, on va faire la troisième. T'as fait un blou blou blou. C'est Macron. Ah pardon. Okay. Je vous propose un petit. Mais jeu. Mais ils sont combien là-dedans? À l'intérieur. Ah, pardon. Excuse-moi. Je fais l'affiche ce soir. Mais je suis chaud. Je vous propose un petit jeu puisqu'il y a Dedo autour de la table et Dedo, tu aimes le métal. Tu as dit Dodo. Oui. Hein. Oui. C'est pas grave. Ça ressemble. C'est pas si loin. Franchement, c'est aucun rapport. Je suis peut-être un peu fatigué. Dodo la Saumure, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Effectivement. Moins marrant. Donc, tu apprécies le métal. Yacine, tu as joué dans un film où tu as interprété un métalleux. Absolument. Shirley, tu as déjà tenu des objets en métal. Ouais, c'est vrai. Bon, bref, je me suis dit. Et moi, on s'en bat les couilles. Et toi, t'as eu les cheveux longs. Hein, j'étais à Ardos. J'ai envie de voir les photos. Bref, je l'ai publié. J'en ai mis une sur Insta. Ah bah je vais regarder. Je vous propose un jeu pas du tout basé sur les clichés, sur le métal, et vraiment un jeu d'une ouverture d'esprit. Super. Ah non, mais tu vas voir. Là, on est très très loin de tout ce que tu as pu vivre en émission de radio. Plaisir. Je vais vous donner des noms de groupes. À vous de me dire s'il s'agit de groupes de métal, de groupes complètement inventés par moi. Ou de groupes pas de métal. D'accord. Okay. Sachant que c'est des noms un petit peu. Un petit peu les cornes. Voilà. Le premier groupe s'appelle. Alors, sachez que c'est des titres parfois anglais ou dans d'autres langues et que je vous l'ai dit en français. Voilà, sinon c'est pas. Voilà, je joue pas. Ah oui, d'accord. Le premier groupe. C'est très protectionniste. Est-ce que le fait de trouver ou pas des noms, des bonnes réponses, ça définit un peu notre succès, notre échec dans la vie? Est-ce qu'on doit s'identifier au résultat? Je pense. Tu devras dire, la personne qui perd devra dire combien elle gagne par an. Non, ouais, okay, okay, d'accord. Ça me paraît faire. La personne qui perd doit se pendre. Ouais. Ah ouais. Encore plus faire. La personne qui gagne pourra chier dans ma piscine. Voilà. C'est quand même. Et j'ai pas de piscine. Le premier groupe s'intitule La queue sanctionnée de Hitler. C'est inventé ça. C'est inventé. Ça sent le. Ouais, non. Je pense que si. Sanctionné ou sectionné? Sectionné, pas. Ah oui, j'allais dire, c'est pas la même chose. Alors non. Ça, c'est du. Je tiens vraiment à dire aux gens que je suis rentré de vacances aujourd'hui que peut-être des fois je savonne un petit peu. Pas du tout. Je suis un peu fatigué. La queue sectionnée d'Hitler existe, la queue sanctionnée, c'était inventé. Ouais, moi j'ai envie de dire que ça existe. Oui, mais est-ce que c'est du métal ou pas? C'est un groupe allemand. C'est un groupe de métal. C'est du métal. C'est un groupe allemand. Eh ben vous avez raison. Alors c'est pas un groupe allemand. Sache que c'est un groupe. Australien. Anglais. Anglais. Ils font ce qu'on appelle du gore grind. Et ils sont toujours actifs. Ils ont sorti un album qui s'appelle Érection à l'autopsie d'un animal. At an Animal Autopsy. Et la chanson Utilisons des bébés violés comme bouclier anti-émeute. Et ben, Using Grape Babies. C'est violent. Je pense que c'est le but. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. Après, juste des bébés en bouclier, ça suffisait. Juste des bébés en bouclier, c'était violent. Les mecs qui chient dans un jacuzzi. Ça, je pense que c'est inventé. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Eh bien, non. Non. Ça s'appelle les Cheater Bathtub, qui sont un groupe de grindcore qui vit grind à Osaka, au Japon. Ah putain. Ah, okay. Bathtub, c'est baignoire, hein. Attention. Ah, pas. J'ai dit. Ah, pardon, c'est baignoire. Bon. Non, c'était une feinte. Moi, jacuzzi, je serais pas tombé. Hein. Je les ai vus sur scène, moi, les Cheater Bathtub. C'était bien. Ah, c'était top. Le bouc mal rasé du shérif en couleur. Oui, mais je veux que ça existe. Ça existe, mais c'est pas un groupe de métal, par contre. Non, je pense que c'est un film, un western. Et je l'ai en DVD si y en a que ça intéresse. C'est pas mal, c'est un peu nouvelle vague quoi. Mais tu sais le western de France 3 qui c'est passe ça. À 22h20 avec Victor Lanoux. C'est ça. Un western avec Victor Lanoux. Ouais. Bah là j'ai de plus en plus envie de voir bien ça. Bien sûr, il faut, mais j'ai la VHS. Ah oh, bah faites les montages, les. Hello, oh, shérif, tu te prends pour qui? C'est Victor Lanoux. Et bah non, c'était complètement inventé. C'est moi qui l'ai tout inventé. Tout est inventé. Oh, c'est moi qui l'ai inventé. Même pas un vrai groupe. Ouais. L'anus au beurre chaud. Non, mais... Ah ouais. Alors ça c'est une existe. Recette de cuisine. Ouais. Et c'est, figurez-vous que c'est pas mauvais. Non, c'est une crêperie bretonne qui est un morlaix et qui est très. Vraiment, les gens sont gentils. Des très bonnes notes sur TripAdvisor ouais, ouais, ouais, et Tinder. Les deux. Des bonnes notes sur les deux. Alors l'anus au beurre chaud. Oui. L'anus au oui. beurre. Attends, attends. C'est hot, bord, hot butter à sole. Ah, au beurre ou au beurre? Non, c'est au beurre chaud. Eh bah, oui, alors c'est, okay, bah. Ça existe, mais hot, c'est pas un groupe mélange, de métal. C'est une émission où je mélange les voyelles. Okay, il faut faire un peu sa petite popote en interne. C'est hot butter butthole. Moi je dis existe, mais pas métal. Écoute, c'est anal hot butter. Ah. Et ça existe. Et pas métal. C'est du punk. Ah voilà, c'est pas métal. C'est du hardcore punk. Hardcore. Qui vient de Rhode Island, USA. Et ils ont fait un album qui s'intitule Please Kill Me. Ouais. Simplement. Fruits, légumes et frappe ton clit. On dirait vraiment une recette. Ça, c'est les, c'est, en fait, c'est les ingrédients d'une bonne journée. C'est ça. C'est ma journée. Oh. C'est ma journée. Moi, en... journée type, ça c'est s'appelle. Le groupe s'appelle Journée type. Ouais. En tant que vegan, c'est une phrase que j'entends souvent. Alors, à votre avis. Attends, fruits, légumes et frappe ton clit. Ah bah ouais, allez. Moi je pense que ça existe. Moi je dis ça existe, mais c'est, être, mais c'est pas métal. Qui c'est pas aussi métal. Le titre de cet épisode, attention. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, mais voilà. Je préfère à gigagaffe. Mégagaffe. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être mégagaffe, des frappes ton clit. Fruits, légumes, frappe ton clit. Je vois pas pourquoi. Alors là, je dis existe, mais pas métal. Mégagaffe, fruits, légumes et frappe. Exactement. Écoutez, ça n'existe pas. Oh non ! Je l'ai tout bonnement inventé. T'es bon quand même. Oh, vous êtes gentil. Mais si, moi je suis pour qu'on monte ce groupe ensemble, ça m'intéresse. Parce que là, moi j'ai déjà l'affiche de quoi il y en a combien à l'intérieur ? Et deux pochettes. Et deux pochettes d'album. Là, tu deviens DA. Tu deviens DA. Embrasse l'anus d'un chat noir. Embrasse l'anus d'un chat noir. Bah oui. Parce que c'est métal. Voilà. Embrasse l'anus d'un chat noir. Je pense que ça existe. Ouais, c'est un ordre. Ouais. Ça existe. C'est une injonction. Et bah, je vais rester sûr, ça existe, mais c'est pas un groupe de métal. Et c'est Dedo qui a le point. Oh ouais. Ça existe et c'est pas du métal, c'est du néo-folk un peu gothique. C'est un groupe belge, dites-vous. Et voilà, je vous fais un petit peu. Donc c'est en français le. Non, c'est un groupe belge. Oui, mais il parle français non, une partie, tu sais. Embrasse l'anus d'un chat noir, c'est ça? C'est ça. C'est ce qu'on a eu. C'est pas mal. C'est drôle, c'est non. C'est un peu. C'est un peu De Palmas quoi. Même si je m'en. C'est dur. Oh, il y a un troisième pour, dans la galerie de perso. Mais ils sont combien à l'intérieur? Ah, c'est une galerie de personnages hein, de toute façon là. Qui va à 100 à l'heure. Ah oui, oui. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très, très mignon, très joli. Moi j'aime dans bien. Un très bain, cool. Dans mais un c'est bain. Quoi, c'est très très cool. Pas de lame de rasoir prête, mais en tout cas dans un bain. Sans branlette chier. De nain. Oh, tu l'as inventé, tu l'as inventé. Inventé, ouais, inventé. Inventé parce qu'un peu violent. Tu l'as inventé. Midget, ouais. En même temps, ça sonne. Midget. Handjob. Handjob. Midget handjob, c'est pas mal. Hein. Moi je dis qu'il l'a inventé, ce coquin-là. J'y crois pas. Moi je dis. Encore une brigando. Fois. Genre, moi j'ai envie de dire non. Hein. Moi je non. dis existe mais pas métal. Branlette de nain. Écoutez. Ou comment dire, viens, on va faire un baby foot. Ça existe. Branlette et c'est de... pas du métal. Et voilà. Ah bon, branlette de nain, non. Bah ouais. Ça existe. C'est un peu du. Comment dire, c'est un peu expérimental. Pour un enfants. Peu c'est genre la vides quoi. C'est l'équivalent, c'est ça. Un peu chelou. Branlette de nain. Excellent jingle. C'est une branlette, mais plus courte par définition. Donc oui, voilà, ça existe. Midget Handjob, exactement, t'avais raison. C'est le nom, c'est un groupe anglais. Non mais ça sonne, quand ça sonne, tu fais la trate, tu dis ah c'est possible. Ouais, l'aspirateur mais... qui fait peur aux chiens. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas du métal. J'aime bien ça. Je pense que ça existe. Mmh, Vacom, ça existe pas. Ça existe pas. Ouais. Moi je dis non. Non. Moi, je dis ça existe, mais c'est pas du métal. Et Charlet? Moi je dis ça existe, je sais pas ce que c'est. Et c'est pas du métal. Ça n'existe pas. Yes. Ouais. Moi j'étais ma stratégie ou... de toujours dire non à payer. À un moment tu vas tomber, mais juste, hein, c'est comme la mode. C'est cool. Les chauves-souris cancéreuses. Ah oui, bah existe. Oui, bah oui, bah oui. Et oui. C'est un groupe assez connu. Cancer Cancerbats, bah ouais. Qui, moi je connaissais pas, mais j'ai deviné. Cancerbats. Cancerbats, tout simplement. Cancerbats. On se mentira une chanson à la fin. Ouais. Ouais. Colique d'orang-outan. Non, tu l'as inventé. Ça n'existe pas. Probabilité là. Orangutan. Orangutan, j'aime bien, ça sonne. Ça fait un peu Wu-Tang Clan, Orangutan. Orangutan, Wu-Tang Clan. C'est moi qui ai inventé Colique d'Orangutan. Ouais, personne n'y sera allé dans celle-là, je pense. C'est bien. J'imagine. Si, bien. Vous voulez, si vous voulez recréer la fiche du Hellfest avec tous ces groupes, n'hésitez ah pas. Ah bah bien sûr. Les beats tu mouches. Existe. Tu mouches. Existe. Alors attends. Les beats tu mouches existent, mais c'est pas du métal. C'est comment on dit tu mouches déjà? T'as l'air très sérieux, Dick, Fly Trap Dick. Ça ouais, sonne. Hein. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Moi j'ai envie. Ouais, tu mouches, il l'aurait pas inventé, donc j'ai envie de dire ça existe et c'est du métal. T'as des avis très tranchés sur moi. Ouais, mais t'aurais pas dit tu mouches. J'en ai dans ma cuisine. Ouais, mais non, je te crois non. pas. Non, non. C'est vrai, j'en ai dans ma cuisine. Moi, je suis tu mouches. Ne marche pas du tout. Mais genre les trucs qui pendent. Ouais. Oh non. J'ai dit vraiment au pif depuis tout à l'heure. Sérieux. Que je suis capitaine pif. Moi je dis vraiment. Existe, existe métal. Mais c'est pas du métal. Pour capitaine pif. D'accord. Capitaine pif, tu n'es pas quelqu'un qui devine bien. Un peu du hasard, capitaine pif. Merci les amis. Ça existe. C'est les Penis Fly Trap. Et c'est du métal. C'est de l'horror punk. Ah bah voilà, j'ai c'est du métal horror punk. Non non. Punk c'est pas vraiment. Hey, j'ai gagné. On est entre les deux. J'ai dit ça existe et c'est pas du métal. C'est vrai. Alors, gagné. Sachez que tout le groupe a des noms un peu folkloriques puisque le chanteur s'intitule Dina, la chanteuse d'ailleurs Dina Cancer. Le bassiste s'appelle Lucifer Fulci. Le guitare s'appelle Elevorian von Spivey. Ok. Et le batte. Pardon, le batteur s'appelle Hail Satan. Voilà, tout simplement. Oh là là. Les sandwichs à la merde de chien. Je pense que. Non. Eh ben, figurez-vous si, si. Que ça existe et c'est très bon. C'est dans la crêperie. C'est dans la crêperie. Ah, pardon. Ça existe, mais c'est pas du métal, c'est du punk. Alors, c'est. Ouais, ça existe et. Dog shit sandwich. Ça existe. Putain, bah, non, je suis obligé de l'offrir à Adrien Méniel, c'est tout à fait vrai. Bah, putain, bien c'est bien du punk irlandais. Et ça s'appelle Dog Shit Sandwich. Voilà, ben, c'est ça sonne les... trop bien. Dog Shit Sandwich, c'est pas mal. Ouais. Non, mais quand ça sonne, ça existe. Hein. Le capitaine samouraï de la fleur. Qui est le frère de Capitaine Pif. Mais oui, c'est. Mais attends, oui, attends. Ça c'est. Mais non, ça c'est le pseudo de Obispo. Obispo, ouais. Ouais, c'est ça. Disait quelque chose. Donc ça n'existe pas. Hein, non, non, si. Alors, on refuse que c'est ça existe. L'alter ego d'Obispo. C'est le Captain Samurai Flower. Et c'était l'alter ego de Pascal Obispo, fut un temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À un moment, il y avait un perso. Ouais. Voilà. Ça a duré 2 heures. Ça. Cherche pas d'autres batailles. Il n'y a qu'une guerre à faire aujourd'hui. C'est la guerre des bisous. Oh, on est ensemble jusqu'à 17h. On va gagner vos places sur Radio Loustique. Ouais. Et Elodie qui nous appelle. Oh, Radio Loustique. J'avais Radio envoyé Loustique. Une lettre à Radio Loustique. De menace ou ça va oh. Avec un dessin. Avec de l'anthrax dedans. Ça existe. Ça. Radio Loustique, la radio fantastique. Ouais. Bah, je l'avais, j'écoutais et j'avais envoyé une lettre avec un dessin. Il l'avait lu parce que j'étais c'est le seul auditeur cool. Sûrement. Non, non, ça marchait bien. Radio Loustique. Tous les petits. Radio Loustique. Quand on était petits, on écoutait Radio Loustique. Pour moi, vous inventez depuis 10 minutes. Hein. Non, non, c'est pas sûr. Du tout ce truc. C'était de l'impro, bravo. Ouais, ouais, ouais. Ah, on était dedans, on a failli les avoir. On a failli les avoir. Nous sommes la troupe d'impro qui s'appelle La Seconde Ville et on est très contents d'improviser avec vous. Vous voyez mon nez? J'ai été mené par ce bout. Oh, oh. Ça existe et c'est du métal. Oui. Le cassoulet vaginal. Ah. Non. Bah non. Bah ouais, mais surtout que. Ah, non, mais. Méfie-toi, ça peut être un groupe qui existe. Une façon de dire que moi je dis ça existe, mais c'est pas du métal. Non, mais ça peut être que français. Ouais, non, c'est français et ça existe, mais c'est pas du métal. Ça existe et c'est du métal. Merde. Ouais, c'est du métal un peu rigolo avec des blagues. C'est un peu des. Non mais tu vois c'est pas du métal qui se prend au sérieux. C'est comme genre Ultravomit ou Princesse Leia. C'est ça. Ou explosion de caca. Non c'est du punk explosion de caca. Pardon. Ouais. Ils ont fait une chanson qui s'appelle par exemple Viens sur ma bite tu verras Montmartre. Donc voilà c'est fin. Oh, ça se mange old. Enfin. C'est old comme van. Ouais. Les mendiants de l'inceste. Ah c'est beau. Mendiant. Bien sûr. Très beau. Ouais. Ça veut dire allez s'il te plaît. S'il te plaît. On dirait bien chanson de Enrico Macias. C'est tonton. Enrico Macias qui a pris du LSD. Le mendiant de la ceste. Les lingots. Le mendiant de la ceste. Oh là là. C'est bien. C'est Enrico Macias drogué. Ok. Donnez-moi quelqu'un de ma famille. Pas d'argent. Oh mon dieu. A fait cette pochette d'album aussi hein, ouais. C'est important. On veut Enrico Macias. Ah ouais. Enrico Macias dans une garderie. J'achète. Avec une pipa crack. On va essayer. Et deux chiens. Ouais. On va essayer. Qui fume les pipa crack hein. On va essayer d'avoir Enrico Macias qui chante ça en live. Ah oui. Au Floodcast. Ça serait tellement bien. Ah bah j'achète ça. Je ferais mon possible. Déjà est-ce que votre avis ça existe? Ouais, ça existe. Non. Incest Beggars ou je sais pas quoi. Incest, non, parce que c'est. Je pense que c'est un. Moi je dis que ça existe pas. Ça existe. Je pense que c'est une blague. Oh begging for incest. Oh là là, c'est fou. Ah, mais alors c'est pas begging for incest. Ah, c'est pire. C'est demander, demander de l'inceste. Ah ouais, ça veut dire supplier de. Ouais. Supplier. Oui. Mendiant. Mais c'est pire, c'est horrible. C'est hideux comme nom. La bite délicieuse et ses non moins délicieuses testicules. Qui est aussi un resto. C'est marrant, c'est. Ça, c'est des restos. 5 étoiles sur TripAdvisor. Ouais, non, ça existe pas. Pignon sur rue. Ouais, moi, je vais réactiver mon compte TripAdvisor. Ça existe. C'est un groupe de métal des début 90s. Attends, comment ça c'est délicieux testicules delicious. Dick delicious and the tasty testicules. Ah ouais. Tasty testicles. Ça sonne super. Tasty testicles. Tasty testicles. J'écris les sous-titres de Game of Thrones la nuit. Ouais, ça se voit. Je reprends un peu à ma sauce. Non, mais c'est de la vraie traduction. La tête rasée de Natalie Portman. Oui, bien sûr. On dirait une menace. C'est pas du métal. Je suis Adrien. Non, ça existe pas. Je suis Adrien Meunier. Non, je pense pas. Eh bien, écoutez, ça existe. Merde. Mais ce n'est pas du métal. Ah. Et non, c'est juste oui, c'est du classique. Ouais, c'est, dit, c'est un peu de la pop. C'est juste un gars qui a dit c'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Non. C'est quoi, c'est Nathalie pas mal. C'est de la pop, on est plus sur de l'électro là. C'est vrai que ça dans mes rêves peut-être. Pour moi. J'ai envie que ce soit un peu dance. On est un peu ou alors truc qui annonce la pub au grand journal. Ah ouais. Ah c'est vrai. La météo. Moi j'aime bien ça, mais Divo un peu. C'est très sympa. C'est Divo pour moi. C'est très sympa. J'aime bien. Et enfin le dernier, les princesses Leia. Oh, ça existe. Oh, je crois bien que oui. Ça existe. Moi j'en sais rien. Est-ce que ça existe et est-ce que c'est en tournée par hasard? Oh. C'est une émission huilée comme jamais. Ça quoi. Comme les trous de balles au beurre fondu. Là, tout à oui, c'est la première critique qu'on a reçue, c'est bien huilé comme un trou de balle au beurre. Donc sur cette belle phrase, je te lance des dos. Oui. Alors cette petite tournée. Très bon commentaire de TripAdvisor aussi. Effectivement, les Princesses Leia, le groupe dont je fais partie avec Antoine Chomsky, Cléo Bigontina et Xavier Goduel, dont je suis le chanteur pour le coup. On est en tournée de octobre à décembre, on a une quinzaine de dates. Et je vais pas vous mentir, je ne les connais pas par cœur. Donc allez sur Twitter ou Facebook ou tapez Princesse Leia sur les internets et vous trouverez la plupart des dates. Au pire du pire, tu vois, on va faire un petit tour tout à l'heure et tu pourras. Voilà, très bien. Voilà. Mais effectivement, normalement, vous pouvez écouter un podcast et faire autre chose en même temps. Par contre, je sais qu'on joue le 23 novembre au Petit Bain à Paris. Voilà, celle-là, je m'en souviens bien. Petit Bain, venez. C'est ça, c'est... quand ça 23 novembre au Petit Bain sur une péniche à Bibliothèque Mitterrand, je crois. C'est très cool. Ça va. C'est super le Petit Bain. Moi, j'y suis déjà allé voir des concerts. Ah ouais, c'est bien. Cool. C'est chambé. Et il y a des guests, mais on dira pas tout de suite. Moi. Et voilà. De par Dieu. Et Enrico Macias qui chantera Mendiant de l'inceste. Avec un eye patch. On passe aux questions maintenant. Je commence par Yacine parce que Yacine, tu dois nous quitter car exactement. Tu vas jouer dans alors, pas longtemps. Ah oui, on dit qu'il va nous quitter. C'est pas une homélie. C'est pas une homélie. Il va se pendre. Voilà, il a perdu le jeu. Il va se pendre. Je dois aller ken un volcan, les gars. J'ai pieds un date avec pieds nus pour avoir les pieds qui scrouchent. Les pizza shoes. Les pieds qui scrouchent, qui est un nom de métal qui n'existe pas. Non, mais je suis en train de bosser sur le projet là. Quelqu'un demandait Yacine. Comment se passait, et c'est une question que je vous pose d'ailleurs un peu à vous deux aussi, Dedo et Charlet, comment se passe le quotidien d'un humoriste sur scène? C'est la merde. C'est une question qui est trop vaste. Ça dépend quand on joue, quand on joue pas le soir, mais la plupart du temps, quand on joue, on passe une journée à soit organiser les nouvelles blagues qu'on veut essayer sur scène, soit juste à se faire chier énormément jusqu'au soir et à appréhender le show. Donc quand on joue son spectacle, généralement, moi en tout cas, j'essaie d'organiser un peu ce que je vais faire le soir. C'est-à-dire que la conduite du show peut changer vu que c'est plein de blagues qui suivent. C'est très facile de changer des bouts et d'essayer des nouvelles choses. Donc moi, j'organise un peu ça. Vous n'avez pas de routine? Seinfeld, par exemple, disait que lui, par exemple, il se met vraiment des trucs genre, bon, allez, de 9h à midi, j'écris. Et même si c'est de la merde, je m'en fous. Tous les jours, j'écris de 9h à midi. Vous n'avez pas ce genre non, de truc? Pas moi, du tout. Ça. Non. Okay. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui, je pense, écrivent tous les jours continuellement en se mettant ça comme une manière de travailler. Bah, c'est pas le cas de nous trois, apparemment. Mais en revanche, c'est bien d'essayer de trouver un moyen de se détendre le plus possible, parce que si t'arrives stressé à une date importante, par exemple, c'est vraiment une catastrophe. Le but, c'est de vraiment essayer de jouer avec le stress et de pas du tout avoir le trac sur scène. Ouais. C'est ce que je fais. C'est vraiment ma réponse. Ouais. Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi je fais. Bah, du coup, c'est vrai que le fait de faire de la prod, pardon. à côté de faire carrément autre chose, genre des budgets sur Excel, ouais, exactement. Et ben ça fait que t'es content d'aller jouer après, t'es là, ah, enfin un truc cool. Et moi c'est mon... ouais, c'est vrai. C'est ce que j'ai trouvé à faire pour ne pas stresser toute la journée et fumer des joints à attendre le soir pour faire des blagues, tu sais. Sauf qu'on est là toute la journée, t'es là. Donc maintenant je fais des prods. C'est vrai cool. Qu'il y a des stress plus importants. Shirley donc productrice, ah, oui, c'est les tableaux Excel. Là, c'est moi bien. Pas du tout. Et du coup je suis beaucoup plus détendu que eux deux, je pense. Ouais. Par rapport à... ben, c'est parce que ça demande vraiment beaucoup d'organisation, d'investissement. Financier et en termes d'efforts, ouais. Donc c'est vrai que quand t'as pas ça, tu peux être un poil plus détendu et essayer de réfléchir à des trucs marrants. Mais il y a en vraiment fait... un côté bohème en fait. Ouais, ouais, grave. Le côté de se produire soi-même, d'être en indépendant, c'est vraiment un truc où t'organises tout de A à Z et après t'essayes de réunir le maximum de critères pour kiffer quoi. Mm. Donc faut se réécouter, ça c'est relou. Ça ouais. Pourrait être une bonne réponse. En gros, quand t'as fait un show d'une heure, faut te réécouter. Et moi, ce que je trouve cool vraiment, le fait de faire autre chose, même si c'était carrément un autre métier, même, c'est vraiment que du coup, tu penses pas à ça toute la journée comme un truc où il faut absolument que tu sois génial le soir. Tu sais, ouais, moi j'avais ce stress là personnellement en fait, ouais, ouais. De toujours dire ah, c'est ce soir, et puis toute la journée t'es là, c'est ce soir. C'est marrant, pour 5 minutes, voilà, c'est ça, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que tu peux aller sur scène et même si toute la journée tu t'es entraîné comme une bête et t'as réfléchi et tout, tu seras nul. Et au bout de quelques années, tu comprends qu'en fait ta volonté n'a aucune incidence, enfin en tout cas minime incidence, ouais. Sur le résultat du soir. Faut faire tes devoirs, faut apprendre tes blagues et essayer de corriger les erreurs que t'as fait la veille si tu t'es trompé ou si une blague a pas marché. Mais franchement, tu peux rien changer. Justement, sur une blague qui a pas marché, est-ce que vous avez un souvenir de votre pire bide sur scène? Moi, je me suis pendu sur une blague qui a pas marché. Ouais, putain, ouais. Elle est dure. Ah, c'était dur, ça a pas marché. Et ça, j'ai raté aussi. Ça s'est terminé mal, quoi. Enfin, bien, parce que ça a cassé, mais. Mais bon, j'ai pas envie d'en parler, ça m'a pas fait. On nous pose tellement de fois cette question, ah ouais, le pire bide tout le temps. Ah, tout le temps, il y a des émissions même, il y a sur des. Qui s'appelle le pire bide d'ailleurs. Le pire bide. Il y a un site Topito. Ouais, Topito fait ça. Voilà. Ouais. Parce que ça c'est horrible à regarder. Moi je trouve ça intéressant de dire comment tu. Non, ils en parlent. Ouais, non, l'enfer. Tu vas pas filmer. Ah, demande aux humoristes. Oh, c'est une bonne idée ça. Non, prends. C'est toujours le pire. Alors, regardez, on va vous montrer les pires bides. Regardez, à la fin il pleure. Hey, tu pleures. Et après, tu pleures. Ils invitent la personne et ils lui font des doigts. Alors, t'es une merde ou pas? Ouais, bah ouais. Non, mais je comprends que ça fascine. Mais tout ce qu'on imaginez, auditeur, la pire humiliation que vous avez vécue dans votre vie est devant des gens. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très violent en termes de. En fait, d'être sur scène en solo quand ça marche très bien, qu'on passe un bon moment, ouais. C'est un plaisir intense, mais il y a le downside, c'est terrible, c'est le pire. Donc c'est humiliant de ouf. Je reviendrai tout à l'heure sur le pire bide, mais j'en profite d'avoir Yacine juste avant qu'il parte. On a eu beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de questions et ça vous concerne un peu tous les deux. Alors. Non seulement les chaussettes. Notre okay. Liaison. Non, mais alors apparemment, je ne savais pas. Les francs-maçons. Merde, n'oubliez pas. Ouais, ça va, ça va, c'est démocratisé. Pardon. Donc, maintenant, on dit les francs-maçons. On dit les francs-mac. Exactement. Ouais, non, apparemment, c'est l'anniversaire du Inside Jamel Comedy. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Ouais, c'est vrai, c'est les 10 piges. Et ouais, voilà, savoir quelle expérience vous avez tirée, si ça vous avait donné envie de jouer la comédie, comment ça s'était passé. Alors, ça fait beaucoup de questions, mais, non, mais en résumé, ce que. Bah, moi, on va essayer. Vas-y, commence. Faut pas être trop sérieux. Mais honnêtement, c'est la partie de l'émission où on peut l'être. Donc, vraiment, c'est une super expérience parce que ça. On mettra des bruitages de paix, Yacine. Là. Oh, je suis attiré par quelqu'un dans la pièce. Inside, ça a été vraiment une super bonne expérience parce que ça s'est fait dans la continuité du Jamel Comedy Club. Donc ça a été un peu, comment dire, simple. En gros, on a commencé à tourner la série parce qu'on a fait un pilote pendant une tournée. Jamel a filé une caméra au groupe. Blanche, Fabrice et Thomas étaient à l'écriture. J'ai lu l'article de première. Il y a surtout Blanche et Fabrice, ouais. Mais moi, de ce que je sais, il y avait Thomas aussi, quoi. À la finale, en fait, on a fait un pilote où on a beaucoup rigolé et on savait pas du tout ce qu'allait devenir ce pilote. Et finalement, quand on est rentré, Blanche, Fabrice, Jamel, toute la prod nous ont dit écoute, on pense qu'on va vraiment faire une série. Donc on s'est retrouvé à incarner nos propres rôles exagérés avec toutes les anecdotes et enrichi de tout ce qu'on avait vécu en tournée. On savait exactement où aller dans la série. Donc c'était à la fois très à l'arrache, et à la fois, mais vraiment très, très, très à l'arrache. Et à la fois, en même temps, c'était très simple pour nous parce qu'on savait ce que c'était qu'une tournée. On avait été dans des tourbus, on connaissait les salles, on avait vraiment l'habitude du Jamel Comedy Club et c'était super huilé, quoi. quoi. Donc on s'est fait chier très souvent, on s'est ennuyé pendant le tournage. Ah oui, comme dans tous les tournages, hein, de toute façon. Ouais, comme dans tous les tournages. Mais là, je me souviens de longues journées, parce qu'il fallait que ce soit un peu comme un documentaire. Donc les mouvements de caméra, les zooms, etc., c'était très long à organiser. C'était pas du champ contre champ. Oui, c'était un peu à la The Office. C'était le modèle, hein, de toute façon. Énormément de plans séquences. Et les plans séquences, c'est extrêmement difficile à organiser. Donc le tournage, le truc dont je me souviens, c'est que c'était chiant. Mais par contre, on a beaucoup rigolé quand on improvisait. Ouais, et puis c'est vrai que du coup on nous en reparle encore maintenant, là ça fait 10 piges, c'est vraiment une série qui a un succès d'estime, parce que nous, voilà, dans la rue des fois, ah putain c'était trop bien et tout, et c'est aussi malheureusement le fait que sur Canal ça a été passé un peu en catimini, tard le soir, au mois de juillet, et que... Vous pouvez le retrouver sur YouTube, allez sur YouTube, téléchargez là, que quelqu'un les a tous mis sur YouTube. Alors est-ce qu'il y a les émois 7 et 8, je crois qu'il y a pas j'adore, je suis fan de cette série. Je crois qu'il n'y a pas les deux derniers épisodes. Il n'y a peut-être pas les deux derniers épisodes, mais je pense que sur des sites de streaming tu peux tout trouver. Il y a les 6 premiers, il y a peut-être pas les 8. Dommage qu'il n'y ait pas de DVD, parce que c'est même pas pour nous. Nous on n'est pas. Non, ça ferait plaisir à des gens. Ça ferait juste plaisir aux gens, et beaucoup de gens nous ont parlé de cette série depuis le début. C'est juste que c'est une sorte de série un peu cachée, quoi. Une série. C'est ça. C'est vraiment une série. Ça fait un peu stylé, quoi. Qui a marché au bouche à oreille et qui continue de marcher au bouche à oreille. Mais comme c'était un faux documentaire, il y a des gens qui m'ont, moi, arrêté dans la rue en me disant « Oh là là, désolé pour ton ami Frédéric Chaud qui est mort et tout. Ouais. » Et là, vraiment, t'as de la peine pour la personne, moi, parce je sais qu'elle que... a 30 ans, elle a l'air d'être éduquée. Tu te dis « Merde, t'as ton futur. » Oui, parce qu'il y avait tout un truc où Frédéric Chaud mourait. Ouais, dans ouais exactement. Mais surtout, quoi, là, tous les persos étaient horribles. Et moi, je me souviens que, et je me souviens très bien, à un moment, à l'écriture, j'ai dit « Les gars, moi, je trouve ça super et tout. Maintenant, s'il y a des gens, à un moment, qui pensent que c'est vrai, moi, je vais me faire planter bêtement. » Et j'ai vraiment eu sincèrement cette idée là. Ils m'ont tous dit bah non, t'inquiète pas, j'étais là, c'est okay, rigolo. Bah, vous paierez les bulles. Hein, et, honnêtement, tout le monde a eu la majorité des gens ont vraiment eu l'intelligence de comprendre, parce que c'était quand même des personnages poussés. Et ça nous laisse un super bon souvenir, parce que c'était une des aventures de troupe qui était vraiment de troupe. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand tu fais du stand-up, tu passes les uns derrière les autres. On était entre nous dans le car, et il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la réalité et qui ont été poussées au paroxysme et dans la méchanceté et la connerie. Mais il y a beaucoup de choses qui sont nées de tourner, quoi. Ouais. Et puis par rapport au fait de donner envie de rejouer et tout, on était, en tout cas Yacine et moi, on était déjà comédiens à la base. Donc là, on s'est retrouvés à pouvoir refaire ce rôle-là, quoi. Et on a retourné après derrière dans Le Trône des Frogs, ce que t'as fait, ouais, par exemple, dans plein de trucs. Mais c'est vrai que jouer devant la caméra, c'est un plaisir qui est vraiment assez trippant, que tu redécouvres vraiment une fois que tout est monté et prêt. Mais c'est pas la scène, c'est pas cette réactivité, cette instantanéité-là. Mais c'est quand même assez trippant. Et pour les gens qui aiment bien Inside, dites-vous bien que nous, on est au courant on a fait des lectures des premiers scripts et les premiers quand la série est sortie. Moi, j'étais déçu de la série parce que je sais qu'il y avait des guests de ouf qui étaient censés être là. Ouais. Il y avait, je trouve que les textes étaient vraiment mieux que ce qu'on a réussi à faire, parce qu'il y a eu plein d'aménagements, d'arrangements, de choses coupées. Et que il y a beaucoup de persos. Enfin, en plus, j'imagine que c'est en organisation. Ça peut, si tu dis que c'est à la, enfin, si vous dites que c'est à l'arrache, j'imagine que ça a dû être dur. C'était compliqué parce que ça s'est fait avec peu de moyens. Ouais. Mais surtout, je me souviens des fous rires et de comment on a applaudi l'équipe d'écriture, parce que c'était incroyablement marrant. On était même étonnés de voir la qualité que c'était, alors qu'ils ont eu très très très très peu de temps pour écrire les épisodes. Mais c'est vrai que c'est allé vite. Même la scène dont on me reparle encore, c'est avec Thomas VDB où il m'interview, et avec Gritastiste pour les gens à qui ça peut parler. On l'a fait en, je crois qu'il y a eu deux prises, et ils ont gardé la première telle quelle. Que c'était VDB. C'est allé une vitesse. Mais moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Vous avez 8 ans, les gars. Ah ouais, bah ouais. Non, déjà, moi, ouais. Si jeune. Moi, j'ai une moustache qui a un an et demi. Qui est vraiment là, et j'ai pas de barbe, donc déjà ça change tout. Mais c'est vrai. Mais c'était il y a 10 piges. Et même le tournage, c'était il y a 11 piges. Donc ouais, c'est fou. Et on va parler maintenant du projet plus récent, les chaussettes. Ouais, les chaussettes sur YouTube. Il ouais. Y a combien d'épisodes maintenant, des chaussettes? 30 beaucoup. Ouais, 30 au moins. Ouais, j'ai pas compté, c'est ça. Je préfère te suivre. 30 épisodes. Ça a été en plus, ça, pareil, c'était une aventure très étendue dans le temps. Ouais, bah, 10 ans, 11 ans aussi. Hein. Ouais. On a commencé 2007. En 2007. On a commencé en 2007, on a mis au tout début de YouTube et on a vu que ça marchait, on s'est dit tiens, on n'a qu'à arrêter. Pour vous dire à quel point on c'était sur Wizéo. Pour vous dire à quel point c'était il y a longtemps, on a eu des scores à l'époque où on pétait les plombs et même les gens autour de nous étaient là, waouh, c'est fou. Et ces scores-là, c'était 40 000 vues en 24 heures. Ouais, et les gens étaient comme. C'est vous dire l'évolution qui s'est passée. Pour vous dire à quel point on est bête, YouTube était là, vous voulez monétiser la première année. Et nous, on était là, bon, on va pas monétiser. C'est gratuit. Ouais, non, mais on va dire, ouais, on va mettre de la pub pour les gens. Vous êtes cons ou quoi? On va pas faire ça. Et on a refusé ça. Ouais. Voilà. On refuse souvent des trucs comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Oh. Il y avait même pas de blague tellement elle était choquée. Eh ouais. Eh ben d'accord. Donc ouais, là on est super content parce que on a ouvert une chaîne donc il y a un an. Ouais. Parce qu'il y a eu quelques épisodes sur Golden Moustache. C'est ça, il y a eu des épisodes sur Golden Moustache. Okay. Après on a fait un crowdfunding pour demander aux gens si ça les intéressait d'avoir des nouveaux, parce que les gens nous en parlent tout le temps dans la rue. Ils ont suivi, ils ont dit oui. Donc on a fait un premier crowdfunding, on a fait une dizaine, on a fait un DVD et puis après on a fait un deuxième crowdfunding, on en a encore fait 5. Donc on a une chaîne maintenant où il y a 15 épisodes et la chaîne a atteint 100 000 abonnés il y a dépassé, pas longtemps. Ouais. Ce qui pour Merci. Nous c'était formidable. On est très contents. Non, mais c'était un vrai étonnement parce que c'est vrai que en fait, même en discutant avec les gens de YouTube, en fait, on nique l'algorithme. C'est-à-dire qu'ils sont là et disent c'est pas normal. Parce que normalement, il faut avoir une vraie régularité pour pouvoir gagner exponentiellement des abonnés et tout. Nous, on met 10 épisodes sur 2 mois de temps en temps. Après, on arrête un an. Après, on revient, on en remet 5 et ça monte quand même. Voilà. Donc, mais c'est la qualité du truc aussi. Bah, c'est aussi que les, aussi que les gens. Les gens en le sont. Beaucoup de peut-être. Nouveaux visages. C'est sûr, pas, c'est sûr. Ah, mais, en tout cas, les gens, ce qui est cool, c'est que les gens aiment vraiment ce programme-là. En fait, on est de la niche. On est de la niche un peu balèze quand même, parce que 100 000 abonnés, c'est bien. Mais on est de la niche que les gens, ils ont envie vraiment de la nettoyer tous les jours. Ouais, c'est un chalet. Hein. Voilà. Oh, c'est un petit chalet. C'est un petit chalet, on a envie d'aller en vacances. Le petit plaisir, c'est qu'on va essayer de se faire une soirée justement avec des abonnés. Bon, on va pas essayer, on va le faire. Les rencontrer. On peut dire qu'on va le faire. On le fait au mois d'octobre. Ouais, oui. Est-ce qu'on peut dire les dates ou le même soir que d'octobre? J'espère que c'est pas mon anniversaire. On va dire mi-octobre. On va dire mi-octobre. Ok, ça va. Mi-octobre. Voilà. Pas en même temps qu'un flot de castor live, par exemple. Eh ben non. Ce sera le 14, vous êtes le 21. Ok, on est bon. Ah bah, je croyais qu'il fallait pas le dire, mais je comprends plus rien. Non, parce qu'eux ils sont le 21, on est. On n'a pas dit on n'a pas dit le lieu. A priori, si on doit rester dans les a priori, ce serait a priori le 14 octobre à la nouvelle scène. Mais c'est a priori. A priori. Voilà. C'est ça. Les informations sont dans la description. Oui. Et Yacine, avant de te laisser partir, de te laisser filer. Oui, je vais filer dans pas longtemps. Mais nous, on n'a pas le droit de partir, on doit rester. On peut rester. Moi, je fais nuit, tu sais qu'on a commencé. Moi, je veux rester. Quelle heure est-il? Je veux juste savoir. Il est 21h52. Eh ben oui, faut y aller parce que j'ai. Faut aller dormir. J'ai encore des travaux. À la maison. On va aller très vite. Non, mais t'inquiète pas, je te prends. Je te presse pas. Yacine, c'est ta rencontre avec Eddie Izzard. Ouais. Qui intéresse les gens. Comment ça s'est. Moi, j'ai rencontré Eddie Izzard avec Dedo. On l'a rencontré ensemble en 2007 aussi. La première fois. Mais c'est passé trop de trucs en 2007. Ouais. Et en fait, nous, on était très fans d'Eddie Izzard. Qui est un humoriste anglais, peut-être. Un humoriste très connu. Comédien aussi, en français, en allemand, en espagnol. Ah ouais. Depuis pas longtemps, ouais. Et en deux langues, en arabe, en espéranto aussi. Et que vous pouvez découvrir en comédien récemment dans la série Hannibal, par exemple. Voilà, c'était un méchant d'Hannibal. Voilà. Eddie Izzard, on l'a rencontré à Londres et il nous a dit je vais venir en France dans quelques années pour jouer en français quelques mois. Et nous, on a rigolé. On a dit ouais, pour être gentil. Et en fait, il a vraiment fait. Il l'a fait fort en plus. Moi, c'est mon idole, donc j'ai tout fait pour être dans le théâtre en même temps que lui, pour pouvoir voir ses shows facilement et tout. Et j'étais très content. Il est extrêmement gentil, donc il a parlé avec tout le monde, tous les humoristes. C'est quand même quelqu'un de très très connu et qui est hyper accessible. Il allait voir tout le monde très facilement, donc on est devenus ses potes en fait. Et moi, j'ai sympathisé avec lui, mais de façon très naturelle. C'est vraiment une personne qui va voir les gens. Il va au devant des gens. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait ses premières parties. Il est venu voir mon spectacle. J'ai fait ses premières parties en français. Et un jour, il m'a dit va jouer en anglais à Édimbourg. Et donc, en suivant son conseil, en allant en anglais et en étant un peu poussé par lui, en tout, depuis le début de ma carrière, j'ai joué dans 18 pays dans le monde. Donc, grâce à lui, j'ai joué en Allemagne, en Russie, en Afrique du Sud, au Japon et en anglais. Et donc, c'est ce que je raconte dans le spectacle d'ailleurs. Puisque voilà, je parle aussi de ça à la rentrée, donc je reprends mon spectacle à la nouvelle scène pendant 3 mois et ça parle beaucoup de ça. Ça parle des voyages que j'ai fait et de l'humour que je pense être universel à travers le monde. Et donc je raconte à chaque fois que j'ai voyagé quelles sont les choses qui m'ont choqué et comment les gens voient aussi un peu la France et moi en tant que français, vu que je m'appelle Yacine et qu'ils ont l'habitude de Jean-Jacques. Donc quand j'arrive en Angleterre, ils sont choqués. Voilà, c'est dans ton nouveau spectacle que tu joues à la rentrée, exactement, que je joue à la nouvelle scène. Le vendredi et le samedi d'octobre à décembre, genre en indé, frère. En indé! Trop bien! Et on peut t'applaudir! Et on va te laisser filer, Yacine. Je file pour aller faire ton métier de scène de peur. Je vous aime tous, c'était formidable. C'était trop bien, Yacine. Merci beaucoup. J'espère qu'on formera les M&M's. Ça me fera très plaisir. Merci beaucoup. Yacine, que vous pouvez retrouver au cas où le mois d'août. si jamais le podcast sort le lundi 18 août, je crois. Et bah, voilà. Dans ces cas-là, il assure la première partie de Boone en rodage point virgule. Et si vous voulez voir le spectacle, ben tout est sur internet avec Yacine Bellouz, vous pouvez réserver quand vous voulez. Je vous embrasse fort. Merci Yacine. Au revoir. Bisous. Merci. Ciao. Ciao. Bye. Une question d'auditeur, que pensez-vous de Yacine Bellouz? La merde, la merde. J'ordure. Vite fait, il est sympa, mais ouais. Il sort de ses gonds. Ouais, rapidement. Il est incontrôlable. Là, dans l'émission, je l'ai trouvé d'une rage. Ah ouais, ouais, non, mais. Et encore, il s'est contrôlé. Hein. Heureusement, ah ouais, il s'est contrôlé. Ouais, ouais, heureusement que c'est pas hater. En public, parce que sinon. C'est un hater d'internet pour moi, ce mec. Moi, il me fait dégueuler. Dedo et Shirley, vous partagez le point commun d'avoir eu un. Special sur Netflix. Ah yeah. On allait dire partager pas quand même. Alors partager une meuf. Ah ouais. Pouvez-vous parler de ça plutôt que... Oui, j'aimerais bien le savoir. Ouais, moi aussi. Ok. Et Adrien Bandeur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Parce que c'est pas passé de la même façon. Pas du tout. De la même façon, j'ai pas entendu la fin, le COD de cette. Comment ça s'est passé chacun de votre côté? Parce que je crois Netflix. Comment ça s'est passé le spectacle sur Netflix? Parce que je crois que. Toi, c'était avant moi déjà. Ouais, c'était avant. Ouais. Toi, comment ça s'est passé? Bravo. Moi, c'est ma. Bah, c'est... Moi, j'y suis. Bah, voici ta médaille. Vas-y, monsieur le Proms. Moi, c'est. Je crois que c'était, si je dis pas de conneries, en 2016. Et en fait, c'est ma prod. En 2007, vu que tout. Tout est fait. Ouais, c'est incroyable ce qui s'est passé en 2007. Et c'est ma prod, en fait, qui a réussi, via le biais de Victor de Turquem, à contacter directement Netflix, États-Unis. Donc il y est allé un petit peu en ayant pu avoir le contact, en discutant directement avec la maison mère. Donc il est bilingue déjà. Bah un petit peu en mail en tout cas, il y arrive. Et ils ont dit d'accord, ça peut nous intéresser. Donc nous on avait fait une capta du premier spectacle donc qui a été édité en DVD et qu'on avait donc aussi shooté en HD. Et donc ils ont dit ok. D'autant plus que ce qui a joué en la faveur du spectacle, c'est qu'on avait fait des sous-titres anglais. Et c'est marrant parce que moi je l'ai fait. Enfin j'ai demandé ça à ma prod. Je dis ça par rapport à Eddie Izzard parce que Eddie Izzard, ces DVD qu'on avait découvert avec Yacine, étaient sous-titrés dans plein de langues. Ah, stylé. Et parce qu'il disait, c'est cool d'avoir un humour accessible à tous. Et je m'étais dit, putain, c'est cool. Si jamais un jour quelqu'un peut voir le truc qui est pas francophone et qui peut apprécier le délire. Donc j'avais fait ça. Et en fait, ça m'a porté bonheur parce que du coup, ça a fait que Netflix a dit, bah ok, on aime le spectacle, les sous-titres sont prêts, écoutez, on y va quoi. Et après, je me suis retrouvé pendant 2 ans sur Netflix. Donc ça, c'est vrai. Pourquoi pendant 2 ans? Parce que le contrat durait sur 2 ans. Ah, il est parti du coup. Ouais, c'est pas un original. C'est comme ça. Mais il reste pas dans le catalogue du coup. Non, non, mais Netflix, c'est beaucoup de. Le catalogue, ouais. Ça se renouvelle. C'est vrai, c'est vrai. Là, si tout se passe comme prévu, mon deuxième spectacle devrait y être aussi cette année. D'accord. Après, on verra si on renégo peut-être le premier, j'en sais rien. Mais ce qui est mortel, c'est que voilà, comme tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le stand-up via Netflix. Ouais. C'est quand même la plateforme qui a le plus de specials accessibles en France. Ouais, et voilà, être là-dessus en termes de visibilité, en termes de reconnaissance, déjà, c'est mortel. Donc, Parce que toi, Charlie, c'était au sein d'un programme. Oui, qui était humoriste du monde, Comedian of the World. Dont ça, on a parlé d'ailleurs. Ce qui est différent parce que c'est un official pour le coup. Pour le coup, c'est. Donc ils vont pas l'enlever. Non, exactement. Il y a une petite. C'est du original Netflix. Ouais, c'est original Netflix. Donc, là, c'est eux qui l'ont produit. En fait, c'est ça. En fait, ils nous ont simplement appelé à travers Juste pour Rire, en fait, Montréal. Puisqu'il y avait le festival Juste pour Rire en juillet et qu'ils voulaient venir tourner pendant le festival Juste pour Rire, c'est la plus belle façon de faire des économies. De pas payer nos billets d'avion, tu vois. Donc en fait, du coup, ils prenaient 4 humoristes de chaque pays dans lesquels ils étaient diffusés. Et donc, ils ont choisi en France Jason Brocker, Tania Dutel, Donnell et moi. Voilà. Et c'était cool, c'était ouf parce qu'effectivement jouer pour Netflix, déjà sur cette plateforme effectivement il y a beaucoup de stand-up, donc tu sais qu'il y a pas mal de férus de stand-up qui regardent et c'est cool. Et aussi la façon dont ils te mettent à l'aise quoi, tu vois, c'est-à-dire déjà t'arrives dans leur bureau, il y a 4 personnes qui te disent t'es formidable pendant une demi-heure, you're amazing Shirley, we love you. Et toi t'es là, tu sais qu'ils l'ont dit à tout le monde mais t'es là, dis-moi encore des trucs. Je t'écoute. Donc ça te chauffe bien avant de jouer, ça te met vraiment dans des bonnes conditions de, c'est au festival de, on peut dire des Montreux ou quoi, on les adore hein, mais jamais on t'accueille comme ça. Non, tu vois, vraiment pareil. On fait hey, ta loge elle est là et puis vous êtes 4 dedans, mais ferme ta gueule. C'est vraiment pas la même ambiance, on parle pas aux techniciens non plus. En France, en Europe, on parle pas beaucoup aux techniciens, juste on va sur scène, le plateau, et là on a des réunions avec les techniciens. Ah, c'est génial ça. Tu vois, et c'est génial. Parce qu'enfin, on peut parler avec tous les corps de métier qui vont travailler avec nous. Pour déjà, c'est bien parce que du coup, il y a une vraie émulsion qui se fait généralement. Et en plus, ça met en confiance parce que du coup, tu peux être détendu en te disant bon, bah les mecs savent de quoi il va s'agir. Oui, et puis on s'est déjà vu, c'est-à-dire que tu n'arrives pas dans une salle où tu es inconnu au bataillon pour tout le monde. Ouais. pour la répandre dans la répète, tu vois, toute cette ambiance là, là c'est cool. On travaille en équipe, on travaille ensemble, puisqu'on travaille tous pour le même produit, quoi. Et ça, c'était vraiment hyper agréable. Et même la scène, le rapport scène. C'est-à-dire que t'as un rapport scène qui est vraiment bien par rapport au public. On n'est pas trop haut, comme au théâtre. Ouais, bien sûr. Tout a été tellement bien pensé. Le son, il est bon. Tu vois, t'es là, oh là là. Tu vois, quand tu fais, si tu fais du jazz et que vraiment là, l'instrument, l'ingé son qu'il faut, bah c'est ça, là. On était là-dedans. Bah écoute. Le jazz, pour ceux qui ne savent pas, c'est une musique. Ouais. Mais t'as raison toujours de remettre un petit peu c'est dans important, son contexte. C'est jamais, hein. Parce que vraiment, des fois, on est un peu paumé. Ouais. Question aussi à Charlie. Alors, c'est con, je voulais aussi la poser à Yacine. Bah, de toute façon, Adrien peut le faire. Je lui répondrai. Ok, très bien. Quoi qu'il arrive. Tu as fait l'émission 60 de Kian et Nano. Ouais, ouais. Est-ce que, comment on s'adapte à un truc aussi J'ai trop kiffé. C'était trop bien. 60, est-ce qu'on peut déjà redire ce que c'était? Ouais, 60 c'était... secondes, c'était. Enfin, 60, c'était 60 humoristes qui avaient. Ouais, parce que c'est, si c'est 60 secondes, c'est vraiment galère. Non, mais c'est une seconde par humoriste. L'émission dure une minute. Déjà là, une minute, c'est chaud, moi j'avais trouvé. On a 60 secondes chacun. Ouais. Pour faire un passage, on a tous choisi des passages assez différents. Tu l'as pas fait toi? Non. T'étais pas. Ouais, du coup, c'était. Moi, j'ai choisi de. C'était faire, méprisant. C'était méprisant. Non. Non, non. Senti du mépris. Non, mais il y avait tellement de monde. Non, même moi, j'étais. Donc, même y avait moi, j'étais tellement quoi. De monde. Non, j'y étais. Donc je me suis bon, dit. Bon, bah, laissez faire 2 minutes. Tellement. M'a dit, bah, Dedo n'est pas là. Fais 5 minutes. Vas-y, fonce. Non, c'était cool à faire parce que moi, j'ai fait le défi de prendre une minute dans la minute de faire essayer de faire une vanne par année. Depuis que j'ai commencé l'humour. Donc en fait, j'ai commencé par 2007. Oh, c'est fou. Donc je fais 2007. Il 2008, s'est passé des choses. 2009. Hein. Et jusqu'à 2017. Non, je fais 2009-2019. Ouais, c'est ça que j'ai fait. 2009-2019. Donc et une donc, blague toutes les 6 secondes. Et ça a été très très rarement parce que c'était plutôt un parc d'attractions pour humoristes pour moi, tu vois. Ouais. De faire ça, de se dépêcher, de faire toutes les vannes rapidement et tout. Et il y avait. Et ce qui était ouf, c'est qu'il y avait des rires en plus. Ouais, mais j'étais là, il y aura jamais de rire sur, tu vois, sur un truc récité qui comme trace, ça. Qui trace, ouais. Et en fait, j'ai quand même bien fait la vanne. Enfin, j'ai fait les vannes pour qu'elles soient entendues quand même. Donc forcément, elles étaient entendues, elles ont marché. Tu parles mais du c'était... matériel qui est pas aussi bon que chez les Américains, c'est ça que tu veux dire. Et alors, du coup, on a tourné 2 fois ce truc-là. On l'a fait en 2 fois d'affilée. Et la première, bon, Boone passait derrière moi. Et Boone n'était pas venu au répète, à Boone, quoi. Et du coup, Bounaïmin. Et du il coup, a fait 12 minutes. En pleine capta, comment dire. Donc, moi, je fais le truc, j'arrive à 2017 et je vois le truc, je sens que je vais pas y arriver, quoi. Et vraiment, Boone ne veut pas monter sur scène, ne veut pas me couper. Mais sauf que c'est pas le game, on s'en fout en fait. Oui, oui, là, faut, ouais. Donc, vraiment, t'as un régisseur qui a poussé Boone. Boone, c'est une plume, tu vois, tu le pousses. Il vole. Il s'est retrouvé à Grenoble. Il est passé devant moi. Donc, du coup, en fait, j'ai vu un Boone arriver, espèce en panique, genre, et prendre mon micro, tu vois. Et j'étais mort de rire, quoi. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me disais, encore un tour. Et c'est passé. C'est passé déjà, je crois. Je crois que c'est, ouais, c'est passé. Ah ouais, c'est sur Canal, si vous voulez. C'est, ouais, c'est passé, ouais. Et il y a pas que, si ça intéresse les gens, il y a pas que des humoristes. Non, aussi, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est marrant. Il y a des rappeurs, Orelsan, je crois. Il y a Orelsan. Il y avait qui non, il y avait en. Non, il y avait que Orelsan en rappeur que je connaissais. Non, je crois qu'il y avait. Oui, enfin, il y avait Big Flo et Oli aussi, je crois, qui était là. Ah, c'est vrai, exact. Oui, pardon, autant pour moi. Ah, peut-être que tu considères que c'est le genre de rappeur. Voilà, il y avait L.E.G. aussi, enfin, il y avait L.E.J. pardon. LL Cool G. Ouais, il était là, je crois. Je crois qu'il était là. Il a dit, n'appelez pas ça un comeback. Il y avait plein de gens. N'hésitez pas à regarder. C'est assez intéressant. Ce que j'ai trouvé très cool en plus, c'est qu'il y avait plusieurs générations. Popek. Il y a Popek. Il y avait Popek, le délire. Ah, c'est vrai. C'est vrai, il y avait vraiment Popek. Chante trop bien. Ah, ouais, vraiment non, il y avait vraiment plein de gens et c'était vraiment. Je trouve ça très cool. Il y avait des filles aussi qui font de la musique là. L.E.J. Bah, tu vois, je connais Zidane aussi. Zidane, ouais, vite fait. Il a fait des jongles pendant Zidane. Une minute. C'était impressionnant, les gens étaient contents. Non, stylé. Les gens étaient contents. Dedo, ouais. Tu as créé pas mal de choses avec Yacine. Tu as beaucoup travaillé avec lui. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Vraiment. Est-ce que vous êtes ensemble dans la vie? Et c'est une question qui est aussi posée à Adrien et moi d'ailleurs, et aussi sûrement à Charlet si tu travailles avec des gens. J'ai qui pas sont d'amis. Aussi... Non, oh, pas c'est d'amis. Dur. Bah ça peut arriver. Ça hein. m'a blessé. Je suppose que vous êtes proche dans la vie et j'aimerais savoir quelle est la clé pour travailler avec ses proches. La clé? Ah bah il y a pas de clé. La clé c'est que tu t'entends bien avec quelqu'un, donc naturellement t'as envie de bosser avec lui. Comme après ça, voilà c'est ça. Quand je pense que quand t'as déjà une vraie complicité dans la vie, c'est assez simple de se retrouver sur des projets en commun. Donc tu vas naturellement vers eux. Donc si vous entendez avec des gens, c'est la clé pour faire des choses avec eux. Non, c'est ça. Ouais. Parce que moi je pense que je à long terme, enfin le moins long possible, je tends vers ne bosser qu'avec des gens. Ah ouais, bah bien sûr. Avec qui je m'entends. Parce que là tu débutes, tu bosses avec qui. T'es obligé de t'adapter un peu. Propose. Mais si je peux ne vraiment, parce que de toute façon c'est vraiment, je pense, l'entente. Des fois on dit ouais là je m'entends pas bien, mais le projet est cool. Ouais. Le projet il est pas cool si tu t'entends bien avec les gens. Le projet il va ça dépend non mais ça se ressent, ça le résultat, tu le vois si tu. Y a ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être, il peut y avoir des trucs un peu bancals. Ça peut arriver, tu vois, de okay. qu'il y a un tyran qui tord les bras de tout le monde et le projet, le résultat est bien. C'est un tyran de niche parce que vraiment, il tord les bras de tout le monde, c'est son délire. Tout le monde. Dès qu'il arrive, il voit quelqu'un, il lui tord le bras. Tout le monde. Appelle le tordeur. Ils font des réunions. C'est comme Netflix, ils font des réunions avec les techniciens. Et le gars tord les bras de tout le monde. Il dit voilà, c'est ça que je vais faire pendant un mois. J'ai pas envie de bosser avec lui du tout, c'est sûr. Bah voilà, c'est ça. Bah, tu vois, bah, moi, je veux, plus personne me tordra le bras désormais. Ah, mais je comprends. Je comprends totalement. Oh non, vous faites des délires. C'est un délire. C'est un autre duo qu'on fait. Vous êtes dans des délires. Bah, ouais, Yasmine se barre direct, tu te mets avec quelqu'un. On s'entend bien, mais si on s'entend bien. Plusieurs duos, ça va. Ah ouais, cite-moi un gars qui a fait plusieurs duos. Ou une meuf. Alors, Matt Damon et Ben Affleck. C'est quoi? C'est pas un duo. C'était un peu un duo à un moment. Ils écrivaient ensemble, ils ont écrit Will Hunting ensemble. Quelqu'un qui aura fait deux duos. Dégueulé. Bah, Eric et Ramsey. Et Eric et Boudère. Eric et Boudère. Ouais. Qui sera en, ils seront à la petite loge tous les mardis à 2h du tous mat. Les mardis derniers. Ouais. C'est dommage, vous avez loupé un bon spectacle. Shirley, gardes-tu un bon ou un mauvais souvenir de On ne demande qu'à en rire? Voilà, je pense qu'on a la réponse. Les silences valent parfois avant, plus non, que avant, beaucoup dit de mots. Tout de suite un mauvais, et en fait, avec le temps, plus ça va, et plus je me dis c'était. C'est ni un bon ni un mauvais souvenir, c'est un souvenir très fort. C'est beaucoup d'émotions. Tu vois, beaucoup d'émotions. Est-ce que, parce que t'en parles un peu comme de ta première fois, en fait. Ouais, que j'ai toujours pas faite, hein, pas, d'ailleurs. Bah voilà, mais tu vois. Bah, parle-en comme ça. Je pense que les gens parlent comme ça en général. C'est pas un ça, bon c'est un mauvais un souvenir, mais c'est quelque chose de c'est fort. C'est un peu ça, c'était un peu genre traumatisant, en même temps excitant, en même temps. Quelqu'un t'a tordu le bras ou. On m'a tordu le bras. Faut qu'il arrête de le faire, Hein. C'est, ouais. Il est là partout. Jean Benguigui lui a tordu le bras. C'est un spectacle. Je te rappelle que c'est un frérot. Oui, pardon, excuse-moi. Ah, je savais pas que vous êtes du même crew. J'ai tourné avec lui. Donc, ah, autant pour c'est moi. Mon frérot. Bah, d'ailleurs, tu l'appelles Jeannot la Benguigan. Bien sûr. Vous êtes du même possi. Ben Double Guy, je l'appelle. C'est le nom du podcast. Ah ouais. Ben Double Guy, il ben faut Double absolument Guy, le faire. Vraiment bien. T'as gagné le nom du podcast, voilà, c'est sûr. Personne va savoir de quoi on parle. Mais si, vraiment... Ben Double Guy, bah, ça ils part. Écouteront. Eh bah ouais. Ah, le reveal de cet épisode est d'un incroyable. D'un coup, il fait du hip-hop. Donc, et Shirley et Dedo, après plus de bientôt. Ça fait combien de temps que vous faites du stand-up? Bah, 10 ans, elle on complète tes questions. Non, elles sont à trous. Parce qu'il y a une chiffre. Non, parce qu'il y a un chiffre. Après plus de. En fait, il y a un chiffre et je suis pas sûr du chiffre. Ça bah, dis-le. 20 ans. Ça fait mal. Alors moi mes premières, moi je vais y aller. Moi mes premières auditions, non, ça fait 10 ans. Moi mes premières, elle l'a dit tout à l'heure, 10 ans. Moi mes premières auditions, ce podcast, c'est vrai. Tu es ivre. Oh, je suis ivre mort. Mes premières auditions de stand-up, c'était en 99. Ah tu vois donc 20 ans. C'est... Mais après c'était pas professionnel du coup. C'était la première fois où 99, moi j'ai passé le quoi? Le brevet blanc. Mais je sais pas du coup. Le bac je crois. Quoi, t'as quel âge toi? Bah. Et oh ça c'est pas poli. Oh ça va, 32. Ah t'as 32 bah ouais. Oui. Moi j'ai 40 on a dit, oui, ouais, c'est ça. Ouais c'est pour ça. En tout cas la question était dans le monde de l'humour et du divertissement comment arrivez-vous encore à trouver de l'inspiration? Est-ce que ça devient de plus pas. En plus dur dans on le... l'achète. Vol. Vol. C'est une gadrie. Non mais est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus d'humoristes, est-ce que ça peut compliquer parfois la chose? Au contraire je trouve. Moi je pense pas non plus, ouais. Après, le seul truc que ça peut compliquer à la limite qu'il y ait beaucoup d'humoristes, c'est peut-être que tu puisses, toi, essayer de faire en sorte que les gens atteignent ton spectacle. Parce que moi je me dis juste que les gens ils peuvent peut-être pas voir 5 spectacles par an en général. Donc ils vont aller peut-être vers des choses un peu plus connues ou qu'ils ont déjà eu l'occasion de faire. Donc c'est peut-être plus dur d'arriver derrière. Mais sinon après, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens que toi ça va te mettre dans la merde artistiquement logiquement. Charles, c'est intéressant, tu disais au contraire, c'est-à-dire que ça te tu vois ça enfin ça ça bah, c'est que je suis productrice et voilà. C'est un autre discours, c'est le discours et du bon, capitalisme. Que... Non mais en fait au contraire dans le sens où moi je trouve ça motivant quoi de voir plein de jeunes arriver bien sûr. Surtout avec de la qualité, c'est des nouvelles vagues, nouvelles vibes même. Tu sais, une nouvelle façon de parler, d'être, de penser, que bah, en tant que vieille, ça fait du bien de voir une nouvelle génération arriver. Tu te sens vieille à 32 piges ? Non, mais ouais, parce que ça change super vite le stand-up. C'est la façon de parler sur scène, la façon d'être et tout ça. Très vite, on peut être ringard en fait. En ah ouais. Ans, ouais. La dernière fois, je suis monté sur scène avec un chapeau de forme et une moustache. Ah bah ouais, non, ça ne marche plus. Ça peut fonctionner. Le truc sur ta femme là. Ouais, que t'as fait. Oh là là. J'ai dit, j'aime bien ma femme, mais j'aime pas ma belle-mère. Ah ouais, ça, ouais, c'est un sketch qui cartonnait. Donc, non, moi, je trouve ça motivant de voir plein de gens arriver. Et puis surtout, effectivement, j'ouvre des salles et je trouve ça cool de pouvoir avoir des gens dedans tu vois. Pour des raisons assez évidentes pécuniaires déjà mais même pas parce qu'en fait c'est pas du tout non je m'en fais pas du tout d'argent avec ça tu nous as dit hors hors antenne. Bah, tu avais quand même acquis un petit bien. Parce que je vends des gens. Tu vends une chemise en billets de 50. Arrête. Mais en tout cas, par rapport à ce que disait Shirley, c'est vrai que il y a peut-être des gens qui se disent ouais, qu'il y en a beaucoup, ça vous fait peut-être peur de la concurrence. C'est peut-être très parisien aussi comme façon de penser. Je sais pas si. À quel niveau ? Il y a beaucoup d'humoristes. Non, ou c'est peut-être aussi un truc de gens pas marrants aussi. Oui, ou ouais, mais ça marche pas parce qu'il y a trop de gens. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas drôle aussi. Ouais, c'est ça. Si en fait, si t'as des trucs à raconter, que t'es marrant, tu trouveras des gens quoi qu'il arrive. Ah, ce sera peut-être pas des zéniths, mais quoi qu'il arrive, tu peux durer dans le temps et t'installer et en vivre. Et c'est le but de, enfin, en tout cas de beaucoup de gens, c'est d'en vivre correctement et de pouvoir continuer. Le but du jeu, c'est de remettre une pièce dans le jukebox, qui est une expression qui date de 64. Mais oui. Non, on parlait de ringardise tout à l'heure. Voilà. Parce qu'il y a Olivier de Benoît qui m'a donné cette expression à l'époque. Non, mais tu parles de mon sosie dans 5 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc. C'est terrible. Les cheveux, notamment. Et par rapport à ce que disait Shirley, c'est vrai que la qualité, c'est quelque chose. Plus il y a des stand-up de qualité qui arrivent, plus c'est bon pour tout le monde. Bah, de fou. Parce que la qualité fait que les gens vont s'intéresser plus facilement au stand-up en ayant une image moins négative, peut-être, qu'ils peuvent avoir. Et surtout, ça t'oblige à toi aussi à être de plus en plus quali. Et à élever ton niveau. Au contraire. Je vais vous dire un truc. Avant, en NBA, il y avait genre 8 équipes. Ouais, et les gens, ils jouaient comme de la merde. Ouais, et maintenant, il y a 32 équipes et il n'y a jamais eu. J'allais prendre le basket en exemple. Ouais. Voilà. Plus t'as de bons joueurs, plus t'as envie de bien jouer. Un nouveau cross, t'es là, attends, j'ai envie de le faire ce mouvement. Ouais, voilà. Voilà. Bon, je dis pas que vous copiez les blagues, j'ai en train de dire. Si. On a compris à demi-mot, on a bien compris. Non, mais on change les mots au moins. Ouais. Ouais, tu ouais. On met des temps. Et des synonymes. Moi, je fais paraphrase comique que je lance là. C'est pas copier, mais quand même. Waouh, mais changer les mots. Tu vas avoir du boulot, mec. Tu vas avoir beaucoup de taf. Et j'ai une dernière question pour Adrien et Shirley. Mmh. Car tiens. Tous les deux, on entend parler dans des quelques petites stories ou dans des petits festivals. Vous avez tourné dans des séries, chacun de votre côté. Exact. Shirley, est-ce qu'on peut en parler de Zéro Stérone? Est-ce qu'on peut parler oui, de cette série? grave, surtout que ça va sortir a priori. J'ai pas de date. C'est pas grave. Déjà, on n'avait pas de date à l'époque, mais là, on en a une. Apparemment, c'est la rentrée. Là, ça va arriver. Sur où ça sort du coup? Web France TV slash. Donc gratos. Mais c'est ça. Moi je savais pas. Deux premiers épisodes sur YouTube et après le reste sur slash. Ouais. Ah, bon, on va négocier pour le reste sur YouTube. Après ce serait bien quand même. Après slash c'est gratuit, c'est cool. Enfin, ça c'est quand même. Tu peux quand même regarder. Mais sachant que Marion Séclin et Léonore et tout, elles sont vraiment sur. C'est des youtubeuses. Elles trouvaient ça plus cool de dire aux copains allez directement sur cette chaîne là. Ouais. Moi je vais sur France TV slash, je regarde plein de trucs. Je trouve pas ça très dérangeant de faire deux clics de plus. Là. Non. Donc. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cette série? Pas du tout. en fait, en gros, Zéro Stérone, c'est quoi? C'est un monde sans hommes, en fait. Un monde sans hommes, une guerre chimique a tué tous les hommes de la Terre. C'est un hommage à Charlize Theron? Non. Pardon, c'est un jeu de mots. Non, c'était une question parce que ça aurait pu. C'était une question là. C'était une vraie question. C'était une vraie question. Non, j'ai fait des sons avec mes cordes vocales. C'était pas un jeu de mots. Non, mais ça aurait pu être une allusion. Ça aurait pu. Ouais, ouais. Plus que testostérone. C'était une blague et t'as fait un jeu de mots. Non. Donc, la pauvre. Dodo. Un jeu des mots. Un jeu des mots. Président. Un jeu de mots. Je confirme, c'était un jeu de mots. Je suis le président, j'ai raison. C'est le président Capello Macron là, quand même. Un petit peu. Plus d'hommes sur Terre. Donc les femmes peuvent enfin parler dans un podcast. Ça c'est plutôt cool. Parfait. Et oui. Non mais enfin en fait je fais une flic qui recherche une fugitive qui s'est échappée du centre dans lequel elle est enfermée pour parce qu'en fait il y a un centre dans lequel on insémine des femmes de force pour faire des enfants car il y a une banque de sperme artificielle a priori. Dans lequel on peut faire des enfants à des femmes puisqu'il n'y a plus d'hommes, hein. Donc voilà. Et donc cette femme là s'échappe du centre parce qu'elle cherche a priori le dernier homme. Il resterait un homme sur la planète. Elle a entendu ça dans le centre et du coup elle le cherche pour que tout ça s'arrête. Et moi je suis une gardienne. Jean double Guy. Du coup c'est la fin du monde. Du coup les gens font tant pis. Fin de la série. Et du coup moi je suis une gardienne du gouvernement qui cherche cette fugitive. Trop bien. Je suis en duo avec une comédienne que j'ai découverte sur le tournage qui s'appelle Barbara Bolotner. J'allais le dire. Excellente, que j'adore, drôle, très bonne comédienne. Enfin, ouais, vraiment une super nana. Quoi. Qui est en ce moment au théâtre d'ailleurs. Et comme je ne me rappelle pas de la pièce, je vais fermer ma gueule. Et ça t'a donné de plus jouer la comédie? Ou c'est un truc que tu faisais déjà un peu Un tout petit peu. Et c'est parce que c'est très différent du stand-up pour le coup. Ouais, j'ai fait Engrenage avant. C'était moins drôle. Quand même très stylé. C'était moins drôle. Ouais, c'était très stylé. Ah bah ouais. J'avais un rôle un peu super cool à jouer. Et c'était en 2015, ça. En fait, En fait, si tu veux, oui, la fiction m'a toujours plu, sauf que je sais très bien ce qu'on me propose, sachant que, bon, tu connais, j'ai des locks, quoi. du coup, les locks... Le rôle de la Rasta. Tu vois ce que je veux dire, on joue du diabolo. Donc, non, j'ai évité d'aller faire des castings parce que les rôles qu'on me proposait n'étaient pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais. T'avais peur de perdre le peu de foi en humanité que tu avais ? Oh, bah, je l'ai perdu, surtout. Je l'ai perdu, okay, je me suis dit, surtout, la réalisation commence à me trotter, vraiment. Ah, donc, c'est cool. Ouais, c'est super, je suis contente de moi. Merci. Je suis contente de l'idée que j'ai eue. Ouais, c'est ça. J'ai qu'à faire des trucs, sinon je vais... Ah, bah, ouais, tiens. Pour ça, elle me prend une douche aussi. Je dis, ah, tiens, c'est dommage. Non, mais voilà, ouais, la réelle me paraît un peu une continuité du stand-up, le fait d'écrire, de mettre en scène et de jouer. Donc voilà, j'y pense fortement et j'ai déjà écrit une série. Je suis en train de développer une série avec Navo. Allez, ouais, c'est cool. Et puis un long métrage. Oh. Et puis on aura d'autres voyages. Plutôt une comédie musicale. Non, mais en plus c'est vrai, les deux trucs sont vrais. Bon, bah, après on verra quand. Oh, écoute, et là je vais te faire une petite passe décisive. Tu reviendras ici pour nous en parler. J'ai appris tous les trucs de présentateur. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire un truc de présentateur que j'aimais beaucoup qu'ils faisaient à l'époque. Ouais. Surtout avec des humoristes. C'est les présentateurs qui lancent les humoristes sur anecdote et ils jouent leur spectacle. Ah, c'est l'enfer. Je vous donne un exemple. Ah par exemple, non, c'est horrible. Je vous fais Drucker. Drucker, il fait ça tout le temps. C'est l'angoisse. Il le fait beaucoup avec Dubosc. C'est genre. Et Franck, alors vous revenez des États-Unis, vous avez rencontré une américaine là-bas. Fait, ah oui, Sandy. Oh non. Elle est typique. Et d'un coup, il part sur son spectacle. Mais ça, c'était l'ancienne, ça. Ah ouais, mais c'est ça, il le faisait tout le temps. Il le faisait tout le temps. C'est terrible de faire ça. C'est trop grillé, quoi. Ouais, tu penses ? Bah oui, parce qu'ils l'ont tous fait, en fait. Même jamais, il le faisait beaucoup, ça. Quand on lui posait des questions, il répondait. En tant que spectateur, c'est gênant, en fait. Les spectateurs adorent parce qu'ils disent qu'il improvise. Ouais, ouais. Mais maintenant, ils vont le voir, il fait oh, il a fait celui de la télé. Ouais, en fait, il l'a trouvé sur le moment et il l'a refait sur scène. Un génie. Et alors, Adrien, toi, t'as tourné dans une série il y a peu de temps, alors qu'il sort quand déjà ? Il sort peut-être dans plus longtemps. Parce alors, ouais, ils savent pas la date en vrai, parce que peut-être qu'ils veulent le présenter à un festival et du coup, ça peut pas être sorti avant, tout ça, blablabla. Sundance. C'est Sundance. Non, un rock en scène. Ils veulent le présenter à un festival de musique. Ça ouais, super. Parce que je fais une petite chanson dedans, je pousse. Non, non. On peut l'entendre, bien sûr. Bien sûr, c'est wow! La chanson d'Adrien! C'est ça, même si. C'est super court. 80% de la chanson est chantée par quelqu'un d'autre, apparemment, mais c'est la chanson d'Adrien! Non, ça s'appelle Derby Girl. Ah oui. C'est aussi une série majoritairement féminine. Et moi, je joue un des mecs du truc. Je joue une espèce de. Un peu un loser gentil, quoi. Un loser magnifique! Un loser, pas magnifique! Un loser gentil, oui, c'est un paradis. Absolument. Non, voilà, un peu le mec qui est amoureux de l'héroïne du truc, quoi. Donc, mais voilà, et mais ça parle de roller derby, quoi. Mais c'est une comédie. C'est une comédie, absolument. Voilà, on va rire. Tout à fait une comédie. Et moi, je suis en mini short pendant tout le. Ah, on va rire. Bah oui. Mini short et polo. On va en prendre plein les mirettes. Moi, je fais pas de. Je fais pas de roller, moi. Ah, okay. Moi, je fais de la magie. Ah. À une fête d'anniversaire. Je fais Pom Pom Boy. N'en dis pas trop, Adrien. Écoute, ça va. Voilà. J'ai pas le droit de parler. Ah bon, putain, j'avais pas de montage à faire. T'es vraiment un bâtard. Tu peux le laisser. Je pense pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? On annule. Content déjà. On annule. Bah quoi? Ils nous ont fait chier. Là, il faut couper. Bon, allez, ok. Voilà, peut-être que c'est un point de montage, effectivement. Oh, mais oui, mais bon. Non, mais voilà, ça va être très, très chouette, j'ai hâte de voir ça en tout cas, et donc je joue dans. Oh, ah, quel relou! Putain, c'est tellement chiant, je pouvais le mettre tel quel, quoi! Quelle ordure! Bon, bah écoutez, les amis, ça fait 8 heures qu'on parle, mais ouais, il fait 200. Moi j'avais un chien, je pense qu'il est mort! Ah oui! Ah, non, parce qu'il devait sortir! Ou il a eu des enfants! Je pense qu'il a mis bas! C'est vraiment deux trucs en termes d'émotion. Ah, qui sont très forts, ouais, mais qui sont, sauf, oui, mais qui sont des belles expériences de vie. Sauf pour le Brésilien. Ah qui oui, a eu un enfant et qui est mort. dans le même temps, exact. Nous étions avec Yacine Bellous qui a donc un spectacle à la. Oui, merci. Tu vas bien se marrer là, dans le chez des proches. Ouais, Yacine Bellous donc qui a un spectacle à la rentrée et qui sera donc alors il a pas dit la salle donc je sais pas si on a le droit de le dire mais qui va présenter Les Chaussettes. Oui, avec... On l'a dit normalement le 14 octobre. On a pas dit la salle je crois. Si 14 octobre normalement la nouvelle scène. Vas-y redis-le. 14 octobre normalement la nouvelle scène pour le prix avoisinant un menu McDo. Il le présentera évidemment avec Dedo. Oui. Et il y aura aussi des intervenants qui ont participé aux épisodes et aussi des questions-réponses. Dedo, tu rôdes ton nouveau spectacle actuellement? Ouais, j'attaque le rodage du nouveau spectacle. Oh, bien vu. Rodage du nouveau spectacle fin septembre pour une trentaine de dates là. Voilà, que du nouveau matériel, donc ça démarre. Il y aura plein d'endroits. À Aix, à Lyon, à Marseille, à Caen et je sais plus. Le spectacle d'ailleurs s'appelle Dead Road. Oh putain. Ah. Il a failli taper, je crois. Ça m'a vraiment, ouais. Tu sais, ça t'a vraiment. J'ai retenu. Je n'ai jamais vu une colère pareille dans les yeux de Dedo. Non, mais c'était, ouais. Elle était furtive. Mais en même temps, ça m'a appris à me le dire que de contrôler. Le vraiment, road trip de Dedo. Mon sauf. Oh là là. Parce que tu rôdes ton spectacle, c'est un road trip. Moi, en même on m'a déjà dit. Je prends. On m'a déjà dit aussi, mais c'était pour le deuxième. Dedo relive. Oh, bah et oui. J'étais là. Oh là. Ah bah Dedo, si. Pourquoi j'ai pas compris? Le Rod and Roll. Quoi? Dedo, c'est sacrément Rod and Roll. Rod and Roll, bah ouais. Rod and Roll. Rod and Roll. Ouais, Rod and Roll. Ouais, roll. Ouais, le gros joint, mon pote. Bah, je vais, ouais. Bah ouais, bah écoutez, bah. Vous allez être m'aider à tous. Et donc tu disais, la capta, tu l'as fait de ton spectacle précédent? La capta, c'est fait, ouais, ça a été fait en début d'année. Ça va sortir quelque part? Ouais, ça va sortir si tout se passe comme prévu, normalement sur Netflix cette année. Très bien. J'ai une idée, tu pourrais être sur l'affiche déguisé. En... Tu sais que je vais faire un jeu de mots. Je t'écoute. Non mais je t'écoute avec une attention immodérée. Un employé, tu vois, qui sert des boissons dans les avions et tu mets Rod Stewart. Là, il y a, mais c'est en trois temps. C'est. Là, c'est pas mal. Là, on est vraiment, c'est Inception là. C'est truc, Inception voilà. De titre de spectacle. C'est nul. C'est. Moi, je t'aime pas, hein, mais. Mais là, c'est pas grave. Pour moi, c'est la meilleure sensation de la vie. Ah ouais, ouais, ouais. Au-delà de l'orgasme quand tu t'es retenu pisser. Mais là, y a, moi, là, je pense que là, depuis ça, j'ai dégagé du brouillard de moi. Ton spectacle, c'est le deuxième qui sort, j'ai pas compris. J'ai juste entendu, c'est mon deuxième. Le spectacle d'avant, c'était ton deuxième spectacle. Oui. Ça, donc c'était le D2. Ouais. Et là, c'est le retour, donc c'est R2. Pourquoi c'est je suis ça encore là. Ah, bien sûr. Bah, je savais pas, comme quoi, ça y est, tu t'as mis le pied dedans, t'adores. Non, mais par contre. Donnez-moi de la cam, qu'on en finisse. Tu parles d'un 2D2, tu fais les princesses Leia. Oui, les princesses Leia donc aussi. Je suis Arthur. Je suis le premier présentateur de France. Oh là là, c'est bien amené tout ça. Oui, c'est un projet musical donc qui est à la fois un vrai concert live, à la fois une sorte de pièce de théâtre et une comédie musicale. Donc c'est tout ça à la fois. C'est faut venir voir pour comprendre et tu exactement avec, ce que c'est. Un groupe, tu n'es pas tout seul. Non, bien pas... sûr, c'est un groupe. Je suis au chant. Il y a Antoine Chomsky qui est comédien aussi à la guitare. Il y a... Vous avez vu à Golden Moustache. Ouais. Et Cléo Bigontina à la basse, c'est Xavier Godieu à la batterie. On a tous des petites. En fait, on suit la vie du groupe, leurs péripéties avec des flashbacks, des flash-forwards. Il y a des vrais morceaux joués sur scène comme pendant un concert. Tu es en groupe et non pas en solo. Star Wars. Ouais, allez, moi j'y vais. Elle est bien. Je suis en pis pour la promo. Je peux plus. Ça devient. Je préfère abandonner la promo que rester dans cette émission. En même temps, merde. Je te comprends. Je ferai un post-sponsoré, c'est pas grave. Non, mais on a tout dit. Est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit, j'ai sorti une BD chez Delcourt. Mais non, bien sûr, la BD White Spirit. Ouais, White Spirit en début d'année. Et là, je bosse actuellement sur ma deuxième BD aussi chez Delcourt, normalement dans la même collection. Super. Qui cette fois-ci sera est partie pour être un thriller fantastique en maison de retraite. D'accord, donc rien à voir avec White Spirit. Non, autre chose. Un comique qui fait des comics. Oh, je vais taper avec un objet rond. Ça prend plus de temps, justement. Assassinez-le. Surinez-moi. Charlet. Ouais. Charlet Soignon. Alors, est-ce que toi, alors, est-ce que t'as une excuse? Non. Je me demandais si ton précédent spectacle. Monsieur Charlet, non. Monsieur Charlet est disponible quelque part. Non, parce que Monsieur Charlet a été volé par Netflix. Ah oui, j'ai dû prendre une demi-heure rapidement. Ils m'ont appelé deux semaines avant. T'imagines bien que j'avais pas écrit. Donc là, j'ai enlevé un peu une demi-heure. Ah, t'imitais Macron à ce moment-là quand il Ouais, putain, mon dieu. Adrien, faut que je te laisse. C'est copie comique pour moi, ça. Pas la phrase comique. Et alors, donc je vais recommencer un spectacle. Mais tranquillement, en gros, vous pouvez me retrouver dans des comedy clubs que je suis en train d'ouvrir. Trop bien. Ça, c'est ma vraie actu. J'ouvre deux salles. Alors, il y en a une qui est déjà ouverte. Les gens se rendent pas compte, c'est fou comme histoire, quoi. Ouais, c'est un peu fou. Deux salles. J'ouvre deux salles. À la base, c'était qu'une seule et une autre est arrivée entre temps. En gros, le Jardin Sauvage, c'est un resto à la base qui est déjà ouvert depuis 2 ans. C'est et donc magnifique. Là, je viens d'acheter des parts. Ça, je peux dire ça, j'adore. Oh bah, vas-y, j'ai acheté des parts du restaurant. J'ai un peu fait un putsch. J'ai poussé le gars. Et en gros, dans ce lieu-là, c'est une péniche dans lequel t'as un resto, un rooftop, une piscine et puis t'as une salle dans laquelle je fais de la musique. Des concerts, du stand-up, pas que du stand-up quoi. Des podcasts. projection des podcasts, des tournages, parce qu'on sait aussi qu'il y a un studio YouTube dans lequel on a installé carrément des caméras et on fait du montage live. Tu vois, les vraies caméras de télé et tout ça. Et puis, le Barbès Comedy Club qui ouvre aussi en septembre. Et là, c'est vraiment un club de stand-up qui est dans le 18e, en plein dans la Goutte d'Or, à l'angle de la rue Léon et de la rue Doran. Ah, je donc, vois très fait, bien. Ouais, tu vois. Et j'habitais pas loin pendant un moment. Ben voilà, ça va être je là. Regrette du coup de... Enfin non, je regrette pas parce que c'était horrible. Mais tout stand-up. Non, mais le quartier est cool, ça commence non, à changer. Non, non, mais j'habitais pas à côté, à côté. J'habitais à Marc-Dormois. Ouais, mais c'est le même délire. Là où... c'est vrai que c'est un délire. Ça a changé non, depuis, Marc hein, Dormois, c'est un délire. Non, non, parce que moi, j'habitais vraiment à Château-Rouge toute, pendant presque 10 ans. Et Marc-Dormois, il y a pas longtemps, j'ai essayé pendant 3 mois, je suis parti. Moi, j'étais le long de la, on était le long de la voie ferrée. Donc, c'est une bonne pub pour mon Barbès, ça, c'est bien. Ouais. C'est ce que j'allais embrayer là-dessus, j'allais dire. Et tout donc, tout le monde a envie d'y aller maintenant. Non, mais ça n'a rien à voir. En plus, non, mais en vrai, même pour dire la vérité, Marc-Dormois, c'est très sympa. Juste, ma rue était horrible. En vrai, hein, il y a le marché couvert qui est hyper sympa et tout. Ma rue, le long de la voie ferrée. Ah oui, non, ouais. Beaucoup de gens qui se battaient au couteau devant mon immeuble. Oui, juste, ouais, d'accord. Voilà, un dealer de crack qui vivait dans sa camionnette devant ma porte. Ah, c'est Breaking Bad. Le palier. Ouais, le palier. Ah, le palier. Ouais. Il avait garé sa camionnette sur le palier. Je sais pas comment mais donc, rien à voir avec les salles de Charlet. Pas non. Du tout. Qui sont dealers de crack. Très loin. Pour le coup, alors là, il n'y a pas de dealer de crack dedans. Si, mais en sous-sol. Ça va. Ça fait partie de. C'est pour la fête. C'est comme ça que tu finances. Évidemment, parce que ça rapporte pas de thunes, les blagues. Mais donc, ces salles sont lancés, ça y est ou ça. Alors là, on est en plein dans les travaux. En gros, je rénove le jardin sauvage parce que c'était un bateau qui était ouvert depuis 2 ans. Donc là, on fait vraiment un pot neuf avec le jardin sauvage. On va vraiment faire un monde des enfants perdus. Il y aura des cabanes, des trucs perchés. Enfin, ça va être assez barré. J'adore. Ouais, c'est trop cool. Il y aura des expos, plein de trucs assez fous toutes les semaines. Et puis après, le Barbès, c'est vraiment que du stand-up, quoi. Et donc, en fait, à la base, j'ai ouvert un comedy club parce que j'en avais marre de pas trouver assez de plateaux pour m'entraîner et de me sentir obligé de faire un spectacle. Parce que c'est là où tu t'entraînes le mieux, en fait. C'est un peu chiant de carotte les gens. Donc du coup, j'en avais marre de faire ça. J'ai envie de tourner en comedy club jusqu'à temps que je me dise « Ah, c'est cool, je suis vraiment très marrante. » Et truc assez nouveau qu'on va faire dans le comedy club, c'est de payer les gens. Ça, wow. C'est le assez public, ouf. Vous payez le public. Ouais, bah ouais parce génial. Que sinon ils viennent pas. Ah, mais c'est une super bonne idée. En crack par contre. Ouais, ouais, mais c'est non, mais ça, payer c'est les artistes. C'est payer un peu ce que tu non, dis. Mais payer les artistes. Payer les artistes, c'est super important parce que en fait on est dans un no man's land un peu. Tu vois, on est au chapeau et tout ça. Donc c'est rigolo d'avoir du black et tout, c'est cool. Mais en vérité, quand tu cherches un appartement, quand tu commences à vouloir mener une vie et que c'est vraiment ton taf tous les jours, moi je connais des gens, ils gagnent 3000 euros par mois. Tu vois, mais ils peuvent pas avoir d'appartement ouais, parce qu'ils ont pas les ils ont pas de ils ont R, tu vois. Donc ça c'est hyper important qu'on commence à entrer là-dedans, les droits d'auteur, tout ça, tu vois, parce qu'en fait il y a des gens, ça fait des années qu'ils jouent, ils ont déposé aucun texte. Et moi je vais payer cette tu vois, je vais reverser à la SACEM ou à la SACD de l'argent. Donc ça serait bien que les gens récupèrent leur thune aussi. Et donc qu'en fait le comedy club devienne un vrai lieu de travail. Et qu'on voit pas ça comme un endroit, un trampoline pour aller à la télévision ou je ne sais où, mais que ça soit vraiment genre. C'est même pas un tremplin, c'est un trampoline, ça veut dire. Ouais, j'y vais jamais vraiment quoi. Tu ouais, veux que rebondir c'est vrai. Sur je sais place. Pas pourquoi j'ai dit trampoline. Mais ça sonne aussi, mais. Mais est-ce que ce podcast fait 4 heures. Je trouve ça beaucoup trop cool. J'ai vraiment bien un trampoline, ouais. Allez, salut les gars. Allez, ciao. Mais ça, c'est un tremplin où tu rigoles un peu. Tu fais des saltos là. Allez, je vais à la télé. Voilà, coup, on apprend aussi, il y a des cours de français aussi. Qui sont et du coup, tu as 30 minutes sur Netflix si vous voulez. Ouais, juste après ce podcast, si vous voulez voir mon travail. Ils sont vraiment bien. Et vraiment, en fait, la vérité, ouais. C'est la première fois que je vois un truc de moi et je fais, eh, c'est bien. Ah, vraiment, c'est bien. J'ai quand même fait 30, on ne demande qu'à en rire, donc je sais ce qui est bien. Bah écoutez, trop bien les amis. On n'a pas fait les recommandations, je suis désolé, on le fera. Ah oui, c'est vrai, bah, j'avais pas grand chose. Mais je recommande, moi quand même, je recommande catégorique parce que moi tu m'as demandé de chercher. J'ai dû chercher longtemps. Non, c'est pas vrai. C'est une super pote à moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La promo la plus triste du monde. S'il vous plaît. Allez l'écouter, s'il vous plaît, elle est géniale. C'est qu'elle fait de la musique ? Ouais, c'est une rappeuse suisse. Et elle s'appelle Katé, elle a des textes de ouf et elle m'a réconcilié avec le rap en fait. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Comment tu écris catégorique ? Parce que si les gens mettent que catégorique sur Google. Non, écris pas le mot catégorique, c'est la lettre K, la lettre T et puis après gorique. Voilà. C'est nul comme pseudo, mais c'est. C'est vrai, c'est nul. Bah ça va lui faire plaisir en tout cas. Bah je te le dis, ma soeur. Et elle est derrière la porte ! Allez non ! Et du coup, je vais réaliser de la science-fiction avec elle. On va réaliser ses clips. Sans déconner, ouais, putain, c'est je suis trop contente. Elle m'a fait découvrir la science-fiction. J'adore. Bah ouais, mais c'est génial, c'est votre délire. Putain, content. J'avais pas compris depuis le début. On dit ce qu'on veut en fait. C'est pas les frères Dardenne alors. Non, mais c'est super. Voilà. Et tu continues ton podcast ou pas du tout ? Non, je vais en faire un autre. D'accord, t'en fais un autre. Ouais. Voilà, mais normal. Pourquoi pas un projet. Ça va s'appeler La Roue de la Fortune. Non, non, ouais, je vais en faire un autre parce que je trouvais que celui-ci, on a fait 13 épisodes, c'était super, mais on n'a rien préparé et ça se voit. Et moi, ça m'énerve en fait de que les. C'est le prend perso. Mais... je le prends vraiment perso. Mais... non, parce qu'au moins, t'as préparé des jeux. Oui, moi, même vrai. Pas ça, même pas ça. Moi, j'étais là, ça va toi. Et donc, c'est marrant une fois, deux fois, trois fois, 13 fois. après quand on est à la 150e, ouais, c'est sûr. Ah, en fait, j'aime vous pas décrivez le podcast. Ça vient de plus en plus important. C'est vrai que ça fait quand même 5 ans. Ouais, ouais, bon. Non, mais nous, il y a un public. Contre, ils sont tous. Nous, mais on nique Laurent Gérard, nous. Donc, Et par contre, tous ces podcasts sont dispo sur. Sur YouTube, sur ma chaîne, voilà. Charles Soignon. Et à la rentrée, je vais faire un truc de fou avec la chaîne YouTube Charles Soignon. En fait, il y aura plein de programmes dessus. Il y aura un late show. Il y a un late show. Il y aura un podcast en live. Pour le moment, t'as des travaux à finir, Charles. Ouais. Donc, avant de te lancer dans tout mais ça. Mais les caméras sont installées, donc on les allume, il n'y a plus qu'à. Et puis après, on va faire une émission de stand-up aussi. Il y a plein de gens qui veulent sortir des. T'avais un late show, moi j'avais vu un late show de toi. De moi ? Bien sûr. Ah, un sketch show. Un sketch show, ouais. Là, c'est Tania Dutel qui va faire son late show à la maison. Cyrus m'a dit j'aimerais bien faire un late show aussi à la maison. Donc en fait si vous voulez faire des late shows appelez-moi. Voilà, appelez Charles Soignon. Appelez-moi voilà, si vous productrice de late show. Donc en fait tous les trucs on va faire une chaîne d'entertainment. Je vais faire une émission de cuisine aussi parce qu'on a une cuisine maintenant au Jardin Sauvage, tu vois. Donc on va faire vraiment faire une émission de cuisine. Mais ouais, je vais inviter. Pour moi, ça fait 6 projets où tu mens. Je vais inviter. Mais non, mais là, parce que là, c'est trop marrant parce que c'est comme rendez-vous à la rentrée, les gars. C'est aussi une émission de plomberie parce que comme on a des WC, justement, derrière, on montre comment on met un peu de vis. Je vais faire un bateau connecté parce que je veux qu'il y ait des émissions par espace, tu vois, qu'on fasse des délires. Je vais inviter un humoriste et à chaque fois, on fera un plat. Moi, je suis nul en cuisine, je pense que ça va être assez drôle. Et en fait, ce plat-là, tu pourras le goûter vraiment au Jardin Sauvage la semaine d'après. Ça sera le plat de la semaine. Eh, écoute, sauf si on prend pas de la coke pour rien. Mais je comprends, j'allais dire, je comprends qu'il y a un dealer de crack dans les caves maintenant. Ouais. Parce que sinon, non, mais, tout le temps, jamais tu kiffes. Si tu veux, c'est des idées qui étaient là depuis très longtemps et qui arrivent tout en même temps. Tout arrive en même temps. Mais quand je parle de la série, du documentaire ou machin, tout arrive en même temps, quoi. Ouais, moi, mon projet, moi, c'est ouvrir mon courrier. Donc, on n'est pas sur le même niveau d'initiative. Mais tu vas vraiment le faire, du coup, ou pas ? Je suis pas sûr. Je transpire un peu rien. Tout bien, j'ouvre un comedy club qui ouvre des courriers. Uniquement. Bon bah écoute, trop bien, merci. Trop bien. Bah écoutez les amis, c'est la fin de ce podcast. Bah je suis triste parce que c'était vraiment rigolo. On a bien rigolé, il faisait peut-être un peu chaud, voilà. Non, mais ça va, c'était très. Mais merci. T'as pas d'actu toi Flaubert? Bah oui. Pitch avec le Caplin. Bah voilà, bah, voilà. Ouais, voilà. Qui est diffusé. Pauvre con. Bon un peu dur ça quand même. Bah non mais quoi, tu ferais pas ton actu toi? Ouais bah après voilà, tu me parles mal. Qu'on demande pas la mienne, c'est non. Non mais ça va. Arrête de faire ta victime mon gars. Parce que moi après je pense qu'on est méchant. Ah, Louis de Funès et Bourville. Oh mon vélo. Bah j'ai cassé mon vélo. T'as trois duos en une soirée. Oh, bah, non, mais je vais plutôt faire un duo avec Charlie quand même parce que. Faut peut-être te demander mon avis. Je vais tenter. Okay. On peut faire du basket, un truc sur le basket. Oh ouais. On fait un truc sur le basket. Ça s'appelle comment les Globetrotters. On va trouver. Il cherche un les Globetrotters. Shirley Globetrotter. J'ai envie de dégueuler. Pas de jeu de mots, merde, j'ai merdé. C'est ça. Je l'ai pas compris. Donc ouais, Pitch. Donc le Floodcast en live le 21 octobre. Ça c'est quand même aussi un peu une grosse actu. Et effectivement, on développe un truc avec Adrien, ce que vous avez entendu de bipper tout à l'heure. Il s'agit. Non, ta gueule. Non, je t'en supplie. Je t'en supplie. D'une série. Ah, voilà, c'est tout. Mais je t'en supplie, Adrien. La vie de ma mère. La vie de ma mère est en jeu. Et tu sais qu'elle a pas une santé. Voilà. Donc, je respecte la famille. Oh, le bonheur. Moi, je peux le dire du coup. voilà, et toi donc Adrien, toi la série Derby Girl. La série Derby Girl qui sort sans doute dans très longtemps, a priori. Donc une bonne actu immédiate, finalement. Bah, pile dans le mois. Après rien, à part un truc que j'ai pas le droit de dire apparemment. Donc, bah oui, voilà. Bah, Phantom Force, mais t'en as déjà parlé peut-être. Phantom Force est sorti il y a. Tu viens de le dire? De quoi? Non, il l'a pas dit. Non, j'ai rien dit. Non, Phantom Force. Oui, oui. Il y aura peut-être une suite, mais c'est quand même mal barré vu que. Apparemment. Tu peux juger tes propos avant de les dire. Mais quoi? À quoi? Bah dire. Bon en tout cas merci à tous. Et puis bah passez une très bonne soirée. Très bonne journée. Merci. Et puis à la semaine prochaine je pense. Tais-toi Adrien. Bisous, ciao. Salut.